Game Trip FM, c'est tous les dimanches à 11h sur gametrip.net et sur YouTube. Wesh ma gueule. Bien, t'as vu? Ah, t'as vu. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour. Salut John. Salut. Bienvenue dans ce 22e épisode, 3e saison de notre émission Game Trip FM, la seule émission de jeux vidéo qui parle avec les mains avec des gens qui jouent comme des pieds. Comme émission, cette émission est comme tous les mois désormais diffusée sur YouTube. Coucou YouTube, bonjour, ça va? Salut maman. Et diffusée aussi évidemment sur GameTrip.net, la référence du rétro gaming depuis 2006 sur internet. Je suis obligé de lire ma feuille parce que je n'ai aucune mémoire pour les textes. Nouveau format pour cette saison, puisque vous pouvez désormais nous écouter 2 heures raconter des conneries sur les jeux vidéo oldies, mais aussi sur l'actu des jeux récents, on verra ça tout à l'heure. 2 heures désormais également enregistrées dans les conditions du direct et retransmis en léger différé. On est le samedi 12 octobre, Xavier Dupont de Ligonnès n'est toujours pas retrouvé. Alors on vous non, parle. On l'attend. Voilà, et vous nous écoutez sans doute le dimanche 13 où il ne sera toujours pas retrouvé. N'oubliez pas, on est dans vos chaumières tous les deuxièmes dimanches du mois, c'est Game Trip FM. Bonjour tout le monde. On va évidemment faire les présentations comme à chaque épisode et on commence par le plus beau. Et je dis pas ça parce que c'est le plus grand et le plus baraqué, hein. C'est Jay, salut Jay. Salut, ça fait un bail. Bah oui, vous n'étiez pas là la semaine dernière. J'ai failli vous voyer. Non, le mois dernier en fait. Mais oui. Non, après tu peux me vous voyer si t'as envie, y a pas de souci. Jay qui était là dès la première émission il y a 2 ans. C'était en francs, je crois bien. C'était en francs à l'époque. C'était en France aussi à l'époque. C'était en francs et en francs. J'avais pas été payé et en francs en plus. Exactement. Et à l'époque, c'est délocalisé au Maroc pour les coups. Ouais. Maintenant, on est en Allemagne comme chacun sait puisqu'on est à Metz. Jay qui était là dès la première émission il y a 2 ans quand on a lancé le concept et qui a bien grandi depuis puisqu'aujourd'hui nous n'accueillons pas le gagnant de la belette de Winchester ni le mage de niveau 6 et demi à Clash of Clans, mais bien est-ce qu'on peut te présenter en tant que ta réelle fonction désormais? Oui, mais fais gaffe à ce que tu dis. En tant que rédacteur en chef adjoint de Millennium. Tout à fait. Voilà. Ce sera comme chaque année notre caution Meporg et Stream. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois... En parle pas en fait. Non, mais je m'entoure à chaque fois de gens qui ont pour but de me faire redescendre un peu sur les sujets que je ne peux pas blairer. Par exemple les trucs non oldies hein, comme le stream, le online et les jeux téléphones. Et là je me tourne évidemment vers Yako. Bonjour Yako. Bonjour John. J'y vais, c'est pareil. Voilà. Voilà, là par contre il y a un certain consensus pour dire que de toute façon on s'en fout des jeux téléphones, mais tu seras à la caution quand même. Voilà, j'ai bien compris que j'ai cette étiquette, même si elle ne me correspond pas vraiment. Monsieur. Mais non. Je valide, voilà. Caution jeu mobile et youtubeur aussi de son état. Et puis c'est pas le plus beau, mais il a le plus bel organe de notre équipe cette année. Lui, ce sera une caution que j'aime bien pour le coup, puisque c'est notre consultant musical et notre encyclopédie des jeux, des très vieux jeux. Voici Jack Prophet. Et merci JV pour cette présentation. Hein. C'est toujours content d'être là. Je suis content. Il y a Jimmy qui est là, qui a monté en grade. on va fêter ça tout à l'heure. On a des types sur tous les sujets, sur les jeux mobiles, sur les jeux online. Et c'est fantastique. On a tout ce qu'il faut. Jack qui est aussi musicien, qui est aussi collectionneur de vieux machins. Et comme toujours, les liens. On parle pas de sa femme, mais. Oh là là, c'est mauvais. Ça commence. C'est gratos en plus. C'est gratos, mais c'est rigolo. comme toujours, les liens vers les dernières actus de tout le monde seront juste en dessous dans la description. On mettra comme d'habitude un lien vers Video Kids. Merci beaucoup. Ton band. Mon band de cover de musique de jeux vidéo. Exactement, vous allez les écouter évidemment. Sinon, on vient chez vous et on vous tape sur les doigts. Et donc, JV, le responsable de Game Trip FM, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même depuis. Depuis, c'était en francs quand ça a commencé Game Trip. C'était même en dinars. C'était en dinars et donc il nous fait l'honneur de nous prêter son salon pour qu'on puisse venir déblatérer des bêtises sur internet et à la radio. Et regardez d'ailleurs cette magnifique déco que j'ai fait spécialement pour vous. Mais c'est rangé. C'est rangé, il y a une télévision juste derrière toi. Ça c'est classe, on devrait la mettre en déco. Une Game Boy, une DS. Alors qu'on aurait pu mettre un fond vert. PlayStation, oui c'est vrai que tout est sur fond vert d'ailleurs, c'est tout est faux. Hein. Ah très bien, pardon. Voilà. Le fond vert c'est quand tu veux faire de l'argent, quand t'es vraiment un rétro gamer tu mets des vrais trucs, tu prends de la poussière. Merci. N'oubliez pas, comme on est en différé aussi, hein, les time codes sont juste en dessous pour aller directement aux différentes parties de l'émission. On va commencer par la rubrique que vous aimez tous, surtout G, Psartek ou Balek. On fait le tour des news. Les petits, les gros bits, mais bon après. Après. On fait le tour des news sur le rétro gaming dans quelques instants. Ensuite, on va débattre dans 10 minutes de notre premier thème ce mois-ci. Ça va être le Z Event. C'est clairement pas des oldies, mais tout le monde en a parlé, ça c'est sûr. On n'a pas l'habitude de parler de ça d'ailleurs. Et en fait, t'es là c'est ce mois-ci, donc on va en profiter de ta présence pour en parler aussi. Dans 25 minutes, la chronique musique avec Jack, évidemment. Dans 40 minutes, on aura un autre débat sur les launchers de jeux vidéo. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, Rockstar a lancé son propre launcher après Uplay, après Origin, après Steam. Epic, non aussi ? Epic, d'accord, aussi. Ouais. Voilà, donc encore un nouveau launcher. Et Battle.net. Et Battle.net, un des premiers du genre. Est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce que c'est Minecraft en train de tuer ? Il y a un launcher Minecraft ? Bah oui, il y a un launcher Minecraft. Incroyable. Moi, quand j'étais jeune, les launchers, c'était les trucs que tu trouvais sur megagames.com pour utiliser les jeux graves et les jeux piratés. Exactement. Donc là, est-ce que c'est un peu en train de tuer le plaisir de jouer, hein, puisqu'on est obligé maintenant d'installer 50 launchers pour jouer un jeu, on en parlera tout à l'heure. Et puis dans moins d'une heure, la nouvelle chronique True Story Bro avec Yako. Dans la deuxième partie de l'émission, on commence avec notre rétrospective des 130 ans de Nintendo. C'était en septembre dernier. Qu'est-ce qu'on a retenu de ces 130 ans ? Peu de choses finalement, mais on en parlera tout à l'heure. Des cartons essentiellement. Des cartons, voilà. Et ensuite, dans 1h30, nouveau format de notre quiz des animateurs. J'ai nommé les gros bits. C'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits. Et puis on terminera le dernier quart d'heure par le tout venant de l'actu. On va traiter de l'actu des jeux récents parce qu'il y a aussi à dire ou pas, on verra ça tout à l'heure. Donc on est filmé, on peut plus animer tout nu, désolé Jay. On vous redit bonjour YouTube, salut. Bonjour. En espérant que ça fonctionne parce que je ne suis pas sûr. D'ailleurs je vais peut-être me lever juste après cette intro pour aller vérifier que ça fonctionne, puisque c'est la première fois qu'on filme et qu'on enregistre le son en même temps. Et vu comment ça s'est passé l'année dernière quand on a essayé de faire des trucs. Je pense que ça peut innovant. Être vérifié. Voilà. Et si c'est trop dur à regarder, est-ce que les auditeurs peuvent couper l'image pour avoir que le son, parce que L'image sera un tout petit, sera un timbre poste. On a quand même des physiques ingrats, tu vois. Donc oui, c'est pour ça que c'est filmé d'ailleurs. Hein, je tiens à dire que dans l'esprit rétro gaming, toute cette émission est filmée en 480p. Vous le verrez pas parce que ce sera mis en 720p pour YouTube, mais avec un tout petit timbre poste. Mais on filme en 480p hein, quand même. En 480p, on est beau gosse, hein, on sait pas. Donc c'est en 8-8 alors, du coup. C'est en 8-8 comme la musique que vous entendez. Mais admettons. Allez, n'hésitez pas à nous interpeller toujours. Hein, si on peut pas répondre, ça fait quand même plaisir d'avoir des petits messages, des retours, des idées de sujets pour la prochaine émission. Vous nous suivez sur la page de GameTrip.net, sur Twitter toujours le hashtag GTFM, et puis Facebook, vous tapez facebook.gametrip.net tout simplement pour arriver sur notre page. Et puis si jamais vous voulez aussi débattre avec nous lors d'une prochaine émission, n'hésitez pas à nous appeler sur notre Discord officiel, c'est discord.gametrip.net. et puis nouveauté cette année aussi, on est sur Spotify maintenant, donc vous pouvez nous écouter directement là-bas. Un applaudissement pour Spotify quand même. Un slow clap. Oui, un applaudissement. Ouais. Voilà. Et donc, on passe tout de suite à l'actu de ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire Psartek ou Balek. Alors, on l'a pas du tout entendu, je m'en fous, je le remets une deuxième fois. Psartek ou Balek. Psartek ou Balek, donc, notre chronique qui parle de l'actu des oldies. Évidemment, je vous dis ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en doute fort. Je pense que tout le monde connaît cette chronique désormais. C'est un classique de Game Trip FM. Si vous me dites si ça vous intéresse, Psartek l'info, ou si vous vous en battez les couilles, Balek l'info. Et puis, on développe ou pas. Atari VCS, on en a parlé largement dans nos différentes émissions. Elle n'est pas prête de sortir finalement. On l'annonce depuis 2017, on en a parlé dans les autres épisodes. Atari va revenir sur le marché des consoles avec cette nouvelle console Atari VCS, une sorte de remède de la 7800, il me semble. Ah, de 2600, 7800. Ou la 2600 peut-être. 7008, elle était toute en plastique, et 2006, il y avait des lattes en bois. Alors, il y a deux versions. Vu qu'elle est en noyer, je pense que c'est celle plutôt de la 2006. En tout cas, c'est une nouvelle quand même, nouvelle version. Hein. Et l'architecte principal de l'Atari VCS, Rob Wyatt, a annoncé qu'il jetait l'éponge, accusant le constructeur de ne pas lui avoir versé de salaire depuis plusieurs mois. Atari a réagi dans la foulée en annonçant que le développement était toujours en cours et que c'était même la phase debug avec des photos à l'appui, histoire de faire un peu écran de fumée sur toute cette histoire. Donc voilà, elle peut ne pas sortir, ce qui serait un peu con puisque quand même les backers, puisque ça a été crowdfundé, et les backers ont quand même mis 2,7 millions d'euros dedans, donc ce serait un petit peu pas très sympa, on va dire. Si cette... bon, j'appelle ça de la fils de puterie hein, dans ce cas-là, hein, on est d'accord. Ah, c'est Atari quand même. Non, mais si tu le fais pas et que t'as pris 2,5 millions, c'est que. C'est, en fait, part... c'est de la préco de console tout simplement. Ils ont déjà acheté leur console finalement. Mais si tu l'as pas. Donc, si tu l'as pas, tu l'as dans le cul, on peut je le dire. Je répéterai pas, mais voilà. J'ai un nom pour ça. Elle a déjà été repoussée plusieurs fois d'ailleurs. Elle devait sortir au printemps. Elle doit sortir au printemps 2020, mais c'est pas dit encore. Il faut préciser aux amateurs d'histoire du jeu vidéo que la VCS est la console qui s'est vendue le plus longtemps, la plus grande longévité. L'original à 92, je crois. Ouais, la 2006. Ah oui, ouais. Mais la 2006, moi je l'avais, alors que les gens ils connaissaient pas Mario, moi je l'avais déjà. Et puis il y a 3-4 modèles, hein. Donc il y a le modèle en bois, effectivement, qui est le plus coté, enfin le plus recherché par les collectionneurs. Et il y a un modèle de bureau plastique. De PDG. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Donc après, on va voir ce que ça va donner, la VCS. Donc c'est Psartek ou Balek, du coup ? Bah, Psartek, sur le fait que si ça se peut, c'est un gros. Ça fait pchit pour un hommage à notre Chirac national qui est mort il y a pas longtemps. Bah, moi j'ai envie de dire Balek, parce que je n'ai pas donné. Donc alors. Ah oui, bah du coup. Effectivement. C'est, j'ai envie de dire, c'est une bonne raison de s'en battre les couilles. D'être égoïste, oui, c'est pas mal. L'égoïsme est une bonne raison, sachez-le. La manette SNES. Ah ouais, nous, on tape pas les couilles, quoi. Mais... Ah non, non. Ah bon, j'ai cru. Ah bah non. Moi, j'ai juste dit que c'était de la fille de putrie. Ah, d'accord. Pas, mais j'ai pas dit. Mais du coup, Balek. C'est pas mieux. J'ai pas dit. Oui. Ouais, bah écoute, voir. Moi, je vais faire une réponse de Normand. Je vais faire Psartek, comme ça, on est limite. Mais effectivement, j'ai pas trouvé ce qui allait sortir dessus, donc. Oh bah ça va pas être, ça va pas être fou non plus. Hein, bah je pense Balek aussi. Ouais. Ouais. Ok. Ça valait vraiment le coup de me faire chier. Oui. Ok. La manette SNES du coup sur Switch est de retour et bah non en fait, puisque la manette a été victime de son succès très rapidement. À chaque retour de stock, elle a disparu en quelques heures sur le store de la Switch. Un nouvel approvisionnement a eu lieu sur le store français mardi pour les abonnés et j'ai regardé mercredi soir, c'était de nouveau en rupture de stock. Donc encore une fois, Nintendo print money. Un petit foutage de gueule maîtrisé peut-être. Ouais, maîtrisé. Bah forcément, enfin, on imagine que c'est maîtrisé. Putain, j'ai une grosse voix, dis donc. Il en est fier de sa grosse voix. On va faire un mix là entre les deux voix, on arrivera à faire quelque chose. Mais bah Psartek pour enfin, j'ai toujours dans le projet de m'acheter une Switch donc C'est mieux comme ça la voix. Oui, c'est c'est spécial. Mais bien cher frère. Mais bien cher frère. Alors mon père, c'est ta vie sur cette Switch. J'ai pas encore prise en fait, donc je ne sais pas. Ah oui, tu voulais la prendre. Oui. Bah oui. Mais y a pas Warcraft. Mais t'auras pas la manette. Soon. Ah, si tu veux une manette Switch, une manette NES, y en a une là. Voilà, je la montre à la caméra. Si vous en voulez, y en a. C'est une vraie, c'est pas un fond vert. Non, c'est vrai. Ah. Enfin, c'est une fausse parce qu'elle est en USB. Mais c'est ah bah vraie. Écoute, c'est l'intention est louable. Alors vu que hein, Balek, moi ouais. Personnellement, dans le sens où. C'est du fan service quoi, et on en a déjà parlé la semaine dernière, le mois dernier, pardon, vaguement, et puis je m'en fous quoi. Enfin, je sais pas, Nintendo font toujours des manettes super cheloues, enfin, ils sont connus pour ça. Tu passes sur la 64, t'as une manette chelou, tu passes sur la 8, t'as une manette chelou, tu passes sur la Wii U, t'as même plus de manette, t'as une tablette. Ah oui, là, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. De ces... Tu vois, et puis après, sur la Switch, il y a une manette que tu démontes, et puis si tu veux, t'as deux petites manettes toutes nulles. Une manette qui corse. Et après, maintenant, tu dis, venez, on fait la. Non, bah non, les gars. Et moi, je me souviens d'un truc là que t'avais dit dans le lancement. Quand on dit Balek, on zappe, non? Non, ça c'est pour la fin. Ouais, ça c'est l'autre. C'est le tout. Non, je croyais. Un jouet, tu suis pas du tout. C'est bon, on a fait le tour. Attends, ou j'ai oublié quelqu'un? Tu m'oublies. Ah bah voilà. Ouais. Et bah moi, Psartek. Alors, je me posais la question déjà pour ouvrir un peu le truc. C'était, j'avais posé la question à Jimmy sur le net. Quelle est la différence avec la manette 8BitDo qui était en Bluetooth et qui reprenait les codes de la manette SNES? Ah bah je pense que je ne t'ai pas répondu, mais. C'est possible, oui. C'est très, mais très possible. À dessein. C'était tout à fait conscient de ma part. Et je... T'es conscient de la vacuité de ma réponse? Je n'ai toujours pas la réponse, je suis navré. Non, parce que 8BitDo faisait des belles copies de manettes et ça marche en Bluetooth. Et je crois de mémoire que ça devait être compatible avec la Switch, mais faudrait vérifier. Et puis effectivement, bon, la manette SNES, oui, elle est sympa, mais oui, ça va être pour jouer à leur catalogue SNES, je suppose. Ben oui, principalement, on va pas jouer à Mario Party avec. Mais nous qui sommes des rétro gamers, on a tous des originaux. Exactement, donc, ça ne sert à rien. C'est exactement ce que j'avais répondu moi-même sur Facebook. Dragon Quest 1, 2, 3 de retour sur Switch, pour de vrai cette fois, les 3 épisodes de la série de Toriyama, oui, sont sortis le 27 septembre sur Switch pour respectivement 4,99€, 6,49€ et 12,49€. Alors pourquoi mettre 3 prix différents pour ça, voilà. Le tout pour accompagner la sortie de Dragon Quest 11S sur la même console, c'est le nouvel opus. Et à noter que les 3 justement qui sont sortis uniquement en version anglaise. Bah plutôt Psartek, enfin moi je sais que c'est cool. Ouais, c'est le genre de jeu auquel je j'aime jouer, en particulier sur enfin quand j'aurai la Switch. Toujours pas. mais ouais non, carrément c'est vraiment une idée sympa, ouais. Jack. Non, bah, moi je connais pas la licence, hein, donc ah ouais non, bah, c'est bizarre. Je pensais vraiment que c'était un. Et bah non, moi te plairait. Ouais, je pense que ça pourrait me plaire, mais c'est quoi? C'est un truc, tu chopes des monstres, c'est ça? C'est Pokémon. Bah, c'est du RPG en fait. D'accord. C'est un RPG, un JRPG de Toriyama, avec le design de Toriyama. Ouais, moi, je suis ça resté peut pas être mauvais quoi. Je suis resté à Chrono Trigger, tu vois, là tu fais ce qu'il a fait de mieux. Puis après Dragon Quest, je sais pas, j'ai jamais accroché. Moi aussi, moi, Psartek, hein, ah bah parce ouais. que moi j'aime beaucoup. Déjà, je me suis arrêté au 9. Les Sentinelles du Firmament, c'était sur DS à l'époque. Je joue d'ailleurs de temps en temps parce que je joue. Tout le monde pas. S'en branle, moi le premier. Ok, voilà, mais c'est pas grave, je continue quand même. Non, vas-y, continue, moi ça m'intéresse. Le seul, t'as pas dit de raconter ta vie, en plus c'est pas encore ta chronique. Par rapport au 9, je continue. Par rapport au 9, le seul point que j'aimais pas trop, c'est que tu avais pas de background sur les personnages. En fait, c'est des persos que tu crées, puis ils sortent de nulle part, et puis voilà. Mais 1, 2, 3, ouais, je suis bien. Par contre, je dirais que cher, par contre. Hein, Cher pour le troisième à 13 euros. Mais cher, quoi. Voilà, mais c'était sorti sur quoi au départ, initialement, ça ? NES. NES, ouais, les premiers c'était sur NES et SNES après. C'est du remake, comme remake 3D ou c'est. C'est les originaux. C'est les originaux remis en HD comme souvent. Ouais, mais cher quand même. Effectivement, c'est pas donné. Oui. Après, c'est pas. Enfin, c'est cher, mais c'est... par rapport à un jeu Switch qui coûte 70 balles neuf, bon, finalement, c'est ouais, pas. Ouais, mais à 0 euros sur émulateur, et puis tu joues. Oui. Tu vois, si vraiment t'as envie. Oh là là. Voilà. Donc si t'as vraiment envie de te dire, t'as juste envie de me faire un kiff, je veux y jouer, bam. On peut pas cautionner le piratage. Calmez-vous, les amis. Non, ça va pas du tout. Je me. Alors ensuite, Just for Game qui distribue des vinyles de jeux. Je l'ai pris pour toi. Ah merci, merci. Ça concerne les jeux oldies évidemment. On y trouve certaines des plus belles OST. Donc ils ont lancé une gamme de vinyles de la BO de Resident Evil 1 et 2, Devil May Cry, Castlevania, Doom et pour les jeux plus récents, Last of Us, Uncharted 4, The Last Guardian. Et puis ce mois-ci, il y a des nouveaux qui vont arriver, MGS et The Legend of Zelda. Et puis le mois prochain, Wolfenstein The New Order, Wolfenstein 2 The New Colossus. Et à chaque fois, c'est des doubles voire des triples LP vendus chez Auchan, Cultura et Carrefour entre 30 et 50 euros. Ça vaut le prix ? Oui, c'est les prix. Alors c'est ça qui me surprend, c'est parce que Zelda, moi j'ai déjà acheté, c'était une boîte américaine, j'ai plus le titre, j'ai plus le nom en tête, mais ils faisaient Killer Instinct, ils ont fait des très belles choses, Castlevania qui était vachement bien. Et puis faudra voir. Alors après voilà, pour les amateurs de vinyle, il faudra toujours voir un peu la qualité du truc, parce qu'il y a toujours les mecs avec les fameux master pressing, les trucs comme ça. Ouais. Je suis pas assez connaisseur pour t'en parler. Par contre, je connais quelqu'un qui est connaisseur, je pourrais lui poser la question. Alors effectivement, c'est les prix là, hein, tu trouves entre 20 et 50 pour un beau collector. Faudra après, alors c'est des collecteurs avec des picture discs, voir ce que ça donne. Ouais. Là. Bon, pour les trucs les plus récents, je pense pas ça super sexy. Pour Castlevania, la musique était fun, faut voir ce qu'ils en font. Après, c'était quand même des gros trucs parce que c'est triple play à chaque fois, donc il y a une quarantaine de tracks dedans. Pas forcément, parce que là, tu regardes, sur un vinyle, ils vont t'en mettre peut-être 6 ou 7 sur un truc, ça t'en fait 14-21. Et sur un morceau, par exemple, là, j'ai un Sonic, t'as un générique qui va durer 1 minute 30, et puis voilà, après, c'est juste des beaux vinyles, donc j'ai l'impression qu'on est à la surenchère du nombre de vinyles que tu mets dedans. Ce qui était une ineptie à une époque où tu disais 3 vinyles ça coûte cher, hein, quoi. Donc Psartek quand même. C'est Psartek, c'est intéressant, ouais. Après, pour les trucs récents, je pense pas. Et pour les trucs vieux, c'est vraiment plus pour l'objet que pour écouter. Oui, parce bien sûr, que comme toujours. J'ai écouté Street of Rage récemment, tu me branches une Mega Drive avec un ampli, t'as à peu près la même qualité. Quoi. Ouais. Yako ? Je dirais Psartek, ouais. C'est plus pour l'objet, encore une fois, pour comme CG, parce que. Pour Noël, c'est cool, quoi. Parce qu'on est des vieux, on aime bien les trucs. Moi, j'ai rien, dis-moi. Lui, il s'en balèque. Ouais, j'annonce que c'est Jack. Bah, bref, on s'en fout. Qu'est-ce que c'était comme disait Jack, pardon. Voilà, c'est ça. Plus pour l'objet, effectivement, c'est bientôt Noël, tout ça, mais c'est un truc qui prend la poussière, quoi. Du coup, oui, certes. Au niveau licence, comment ils ont fait ? Parce que Castlevania, c'était déjà chez un autre. Et ils ont. Alors là, tu demandes trop, surtout qu'on est déjà en retard. Ok. Ça fait deux raisons. Non, mais note-le quelque part, je vais réfléchir à ça, puis j'en parlerai la prochaine fois. Sinon, alors perso, Balek, vite fait, parce que je joue 90% du temps avec. Sans la musique sans du la jeu, musique. En fait. Tu joues pas sur vinyle, toi. Ces personnes qui et je mets de la vraie musique qui à côté. Mets Spotify à côté. Bah, à part sur certains vrais jeux qui genre Final Fantasy, des trucs comme ça, où t'as une belle OST, mais sinon, Balek. Il a dit voilà. Je mets de la vraie musique à côté. Jack fait quelque chose, il dit que la musique des jeux ne sont pas des vraies musiques. Je ne sais que dire. Non, mais après. Dis rien, frappe-le voilà, juste. Non, mais après, c'est parce que. Quand il joue à ses jeux vidéo, il se passe Video Kids en fond sonore, comme bien ça, joué. Il a rémé. C'est les limites d'avoir les premières versions qui sont pas terribles. Version de 10h du. De F-Zero. Exactement. Ouais, voilà. Bien joué. Non, mais voilà, bref. Alors, on va passer rapidement sur ça, puisque finalement, c'est pas ouf. Fallout Legacy Collection. Donc, c'est la totalité des jeux Fallout qui sortent dans un gros pack le 25 octobre. Mais c'est juste pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. On va comprendre. Eh ben écoute, c'est pas chez nous alors. Voilà, Balek. On est un peu en Allemagne. Luigi's Mansion 3 qui a été annoncé. Que dire de plus ? Troisième épisode de la saga de Luigi. Balek. Ah, Psartek. Complet. Psartek. J'ai pas fait le deuxième là qui était sur portable, je sais plus laquelle. Mais, c'est sur la 3DS. 3DS, j'ai pas fait. Mais je te le prête avec plaisir si tu le veux. J'ai pas de 3DS. Et donc le prochain. Mais j'ai bientôt une 2DS. Vous voyez sur le côté le trailer de gameplay qui vient d'être lancé. Il sortira donc le 31 octobre sur. Ah, cette régie, elle est tellement top. Sur Switch. Sur Ah bah je l'ai pas. Mais sur Switch, oui, on a Switch. Cette licence, elle m'a tellement envoyé du rêve quand c'est sorti sur GameCube, c'était tellement beau quand c'est sorti. C'était une belle licence, ouais. La première. Puis ça change un peu, quoi. La Nintendo PSX en vente, alors pour ceux qui savent pas, je vous invite à aller consulter les deux dossiers sur Game Trip, le dossier spécial Nintendo et le dossier spécial PlayStation. On vous rapporte l'anecdote que c'est Nintendo qui a donc conçu la PlayStation à la base. C'était une SNES avec un lecteur CD. Ça devait être une version comme ça. Et puis à l'issue d'un conflit, Sony en gros a récupéré le brevet. Et puis ils ont annulé leur partenariat pour la mettre bien profond et pour sortir sa propre console. Et donc c'est devenu la PlayStation. Ça a marqué le début d'une nouvelle ère. Sauf que il y a un prototype qui a été construit à l'époque. Et il y a un gars qui a récupéré ce prototype et qui maintenant, évidemment, veut le mettre en vente au plus offrant. C'est l'unique exemplaire connu et le mec en vaut quelques centaines de milliers d'euros seulement. Ça va. Oui, les associations de préservation qui disent tous sa place est dans un musée. Donc, ce qui est normal. Mais après, j'ai pas trop regardé. Bon, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est de savoir que les jeux Zelda et Mario qui sont sortis sur CDI, c'est parce qu'après. Après le partenariat avec Sony pour le CD, c'était Philips qui devait récupérer. Ils avaient des droits, ouais, sur les licences. Voilà. Squalala. Voilà. Je l'ai. Il faut que je le fasse un jour quand même pour pas mourir idiot. Mais moi, ouais, Balek, moi pour le coup, parce que, enfin voilà, maintenant. Bah c'est un magnifique objet. Oui, c'est un objet de collection, mais nous, ils vont pas la recommercialiser, je pense. Hein. Ils vont pas sortir maintenant une Nintendo PlayStation. Ah non. Okay, en plus, il y a pas eu de jeu de CD dessus. Pour l'objet, c'est quelque chose qui est formidable. C'est-à-dire d'un point de vue historique de sauvegarde et de préservation du patrimoine. Exactement. Mais soyons réalistes, on ne l'aura pas. Non. Bah tu peux maintenant que tu es rédacteur en chef. N'importe quoi. Elle a été exposée dans pas mal de salons. Le mec a été quand même à tes sports. C'est-à-dire elle a tourné quand même pas mal en monde pour que les gens puissent aller la voir. Quoi. Là il veut juste la revendre parce qu'il parce qu'il en a plein le dos, je crois. Ouais. Mais c'est pas forcément. Enfin c'est pécunier, mais c'est. Il dit bien, ça serait bien que ça soit dans des mecs qui la fassent tourner un peu. Oui. Quoi. Ok. Bon alors du coup, on va avoir un consensus sur Balek puisqu'on ne pourra pas la toucher. Ça, on sent Balek déjà de base, donc je vais même pas en parler. Et puis une petite dernière pour le plaisir, on dit bien croix et pas X. C'est la PlayStation UK sur son compte Twitter officiel qui a tranché, qui a dit texto, on dit triangle, cercle, croix et carré. Si croix était appelé X et ce n'est pas le cas, alors comment vous appelez cercle? Voilà, c'est ce que dit le community manager qui troll les gens sur Twitter. J'ai toujours dit ça rond déjà. Pour cercle. Et alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai jamais dit cercle mais rond. C'est ça ce que je réponds. Voilà, donc ouais, déjà... Moi, je disais croix et rond pour le coup. Donc oui, c'est vrai, quand tu faisais les mots de passe, c'était croix, rond, carré, X. Ouais, on dit croix aussi, mais. Bon. Et bah, apparemment, il y a des gens qui disent X, et bah, il faut pas dire X. Alors, tu sais d'où c'est tiré ces trucs-là, les triangles, les ronds et les croix? Désolé pour les anecdotes, mais là, je suis à fond dedans. Oui, parce que j'en ai parlé sur Game Trip dans un très bon site. Et en même temps. Game Trip FM, chez vous. Et en même temps, tout le monde s'en fout. Pas forcément, non, c'est. Mais je me rappelle plus pour le coup. C'était les indications de rames de métro au Japon, je crois. Ah bah j'avais pas cette anecdote là, moi du coup. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas un X, c'est plus une croix, parce que les mecs se mettaient aux endroits où il y avait les où tu as les entrées de portes de. Un métro. Peu comme ma bite. Exactement. Mais ils ont pas de bite, ils ont des croix. Et bah voilà. C'est sur cette bonne parole et sur cette anecdote qui nous rendra plus intelligents ce soir, j'ai envie de dire, quand on se couchera, qu'on va entamer notre première partie. Première partie qui est premier débat sur le Z-Event et évidemment on va commencer par un petit jingle. Game Trip FM, le jeu vidéo c'est dans les tripes. Game Trip FM, suivez-nous également sur gametrip.net, www.gametrip.net. Offre sans condition d'achat dans la limite des stocks disponibles, entreprise enregistrée au tribunal d'instance, déconseillé au moins de 6 ans, ne pas aller consulter la notice, attention au train, manger, bouger, ne pas prescrire à la femme enceinte, pensez à prendre une baguette, il y en a un peu plus, je vous laisse. C'est un enfant, il rit à chaque fois. Il est très bon public. Hein. Il a 14 ans. Oui, il a 14 ans. On va parler. Après, il prend 10 balles, non, à chaque fois qu'il rigole. Il y a 12 millions de mecs qui regardent la vidéo, il y a 11 millions, c'est lui, quoi. Il rit à chaque fois. Voilà. Alors, le Z-Event, impossible de passer à côté. Tout le monde en a parlé. Et même sur des chaînes respectables, ça a même fait le journal 20h, je crois. Pour résumer, une cinquantaine de streamers se sont mis ensemble pour faire un live sur Twitch de 3 jours afin de recueillir des dons pour l'Institut Pasteur cette année. Ils ont récolté au total 3,5 millions d'euros, un record pour un live caritatif sur Twitch, le tout sous l'initiative d'un streamer qui s'appelle Zerator. Parmi eux, il y a eu par exemple Fred et Seb du Grenier, Gotaga, Squeezie, Antoine Daniel. Il y a aussi des sites et des boîtes de jeux vidéo comme Webedia qui ont mis de l'argent en dons. Webedia a mis 25 000 euros de dons. Brut a mis 10 000 euros. Le streamer Ninja, on en a parlé le mois dernier, allez consulter l'ancienne émission, il a mis 26 000 euros, histoire de faire genre d'accord, c'est moi qui ai la plus grosse. Il y a moyen. Voilà. Million... Ah, c'était le moment de mettre un jingle là. Oui, un peu comme ma bite. Mais je... voilà. Un peu comme ma bite. Il y a Riot Games aussi qui avait, dans les gros donateurs, il y a Riot Games qui avait donné 20 000, je crois. Ouais, donc voilà, donc plusieurs sociétés aussi de jeux vidéo, éditeurs. 1 million d'euros servira finalement à réaliser un centre de recherche avec 12 chercheurs sur une année, c'est ce qu'a dit l'Institut Pasteur après l'événement. Et puis c'est remonté jusqu'à Macron, le président Macron, hein, pas l'équipementier sportif. Blague que personne ne comprend, ok. Non, effectivement. Si, si, c'est le sponsor de Monaco, non? Ou en Nice? Ouais, oui, Nice peut-être. Au moins Nice, mais peut-être Monaco aussi. Ou de Boulay, les Macron de Boulay. Le premier, appuie sur le bouton. Non, non, je cherche vraiment parce que j'ai un truc sur Macron et je sais pas où je l'ai foutu. T'en as de plus en plus? Des trucs sur Macron? Ouais. Ouais. Bref. La régie pas au taquet. Donc c'est remonté... Mais non, mais c'est... Ah bah il a disparu. Ok, il a disparu. Bah, que comme en politique, hein. C'est remonté jusqu'à Macron. Ah bah non, j'avais pas de son sur ça. Qui a saisi l'occasion donc pour féliciter l'anniversaire, qui est l'initiative. 55 gamers français viennent de lever le temps d'un week-end plus de 3 millions d'euros au profit de l'Institut Pasteur. Vous êtes inspirant, vous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Voilà. Alors le plus drôle, je viens de le découvrir, c'est que ça existe depuis 4 ans déjà. Ce truc. Ouais, en fait, il y a eu. Enfin, ça, c'est le troisième vrai. Enfin, ouais. Le troisième Z-Event. Il y en a eu un qui s'appelait Projet Avenger. Projet Avenger, voilà, c'est ça. Où ils étaient, je crois qu'ils étaient genre une dizaine au tout début. Une dizaine, et ils ont gagné 170 000 euros. Ouais. Et ça a grossi un peu. Et donc c'est là, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que personne n'en a parlé les trois autres années. Là, c'est vraiment la première année. L'année dernière, c'était déjà quand même. Parce qu'ils ont dépassé le million l'année dernière. Ouais, l'année dernière, c'était déjà quand même. Après, bah, pour bosser dans le milieu, on va dire forcément qu'on a. On est obligé de s'y intéresser un minimum. Mais là, dans cette année, c'était vraiment... Bah, le fait de ramener JDG, justement. Ouais. Et une Squeezie, grosse commu qui est... Ouais. Voilà, et surtout Squeezie, qui est malgré tout le plus gros... 13 millions. Qui est millions. Tout récemment streamer, en plus. Ouais. Ça a vraiment augmenté largement le... Enfin, pas le cash prize, mais la dotation finale, je pense. C'était pas le délire avec le bus, là, il y a quelques années? Ils avaient fait un truc comme ça. C'est plus de l'espoir. Ah, c'est pas la même chose. Non, hein. Non, c'est... D'accord. Oui, c'est un peu dans le même genre. De la sauce, ouais, de la sauce comme ça, il y en a un wagon, et justement, ils les ont cités tous, donc Zerator et Dash qui organisent tout ça. Ils ont bien tous cité, ils ont dit voilà, on n'est pas les seuls à faire ce genre de projet. Il y a. Je sais même plus les noms, alors qu'on a publié un article la semaine dernière encore. Mais, En tout cas, il y avait 55 gamers déjà, donc ouais. Ils n'étaient pas tout seuls à mettre. Ah oui, oui, ah, leur... oui non, bien sûr. Non, eux, c'est. Enfin, que l'organisation, c'est, oui. J'exagère, mais. Mais oui, bien sûr, il y a du monde, il y a une grosse régie derrière, enfin, il y a un taf de fou là-dessus. Après, le truc qui... Alors, je ne sais pas pour vous, vous allez me dire, mais le truc qui était un peu étonnant, c'est qu'en une semaine, on a eu les médias qui ont été les plus rapides à faire le lien entre les tueries de masse et les jeux vidéo, comme à chaque fois qu'il y a une tuerie. Et puis tout d'un coup, les jeux vidéo et tout ça, c'était... voilà, c'est des trucs qui sauvent les vies. Ça me fait un peu penser... 72 heures seulement. Hein. Oh, oui, oui. Oui, bah oui. Après c'est redevenu. Ouais. Mais ça me faisait un peu penser au sketch des inconnus, quoi. Il y a le bon youtubeur, bon, il se filme en train de jouer et puis bah il stream, quoi. Et puis il y a le mauvais, bon, lui il se filme en train de jouer et puis il stream, mais bon, c'est bah, c'est le mauvais, c'était quoi. Même Squeezie, et à l'époque il était passé chez Ardisson. Je l'ai. Ouais, et où il avait dit, mais en fait, enfin il avait, c'était ça Ardisson lui était rien, clashé, ouais, en il lui disant... a dit, mais en fait, ouais, vous filmez en train de jouer à des jeux vidéo, il y a des gens qui vous regardent, et bah du coup, enfin Squeezie était encore. Truc qui met nouveau dans le truc au moment-là. Et bah, Squeezie, on a profité pendant son live pour faire ça. À vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Et ouais. Et aujourd'hui, ils sont 54 000 sur ce live. Au total, probablement environ 100 000. Et l'argent va pour une association. Et toi? Et toi? Voilà, il lâche le micro et il part vraiment pendant le truc là. Ouais, non, et je pense qu'il était vraiment sincère là, parce que tu le vois vraiment vénère sur le. Ah oui, non, mais carrément. Bah, il avait forcément mal pris à l'époque, mais je pense qu'il avait peut-être pas aussi l'ancienneté et tout pour répondre vraiment bien. Surtout le tact. Ouais, puis surtout à la télé. Enfin, c'est bah, il est jeune, il avait 20 ans hein, quand il est passé. Oui, bah voilà, un peu pas. T'es au milieu d'eux, tu vois, t'es tout seul et c'est un peu comme quand t'es pas d'accord avec quelqu'un et puis il vient avec tous ses potes. Et puis au bout d'un moment, tu fermes ta gueule parce que t'as pas envie de te faire. Puis l'Ardisson, elle a ses têtes aussi. Hein. C'est-à-dire quand elle a décidé d'allumer quelqu'un. Ouais. Pas mauvais. Et encore, pas là, bon, au moment-là, il disait 54 000, mais sur la fin vraiment du live, donc le dimanche soir, juste sur le live de Squeezie, il y avait à peu près. Enfin, plutôt genre 120 000, un truc comme ça. Plus celui de Zerator en plus, où il y en avait aussi genre 100 000 en permanence quasiment. Ça faisait vraiment. Mais alors, est-ce que ça a redoré un petit peu le blason des jeux vidéo? Même le temps de 3 jours, où finalement c'est juste que les médias ont surfé un peu sur le truc. Parce que, bah voilà, ça aurait été un peu mal de faire genre. Oh, les méchants et tout, bon, ils gagnent de l'argent, mais c'est quand même des connards qui se filment en train de jouer. Je me demande si ça n'a pas plus redoré le blason des youtubeurs que des jeux vidéo, quoi. Ouais. Parce que c'était plus un truc, j'ai juste plus entendu parler justement les fameux Zerator, dont j'ignorais complètement l'existence avant d'entendre parler. Je sais même pas à quoi ils ont joué. Il y a vraiment de Fortnite, tout. Principalement. Non, pour le coup, non, justement, ils savent que Fortnite, c'est chiant à regarder. Docteur Mario. Il y a vraiment du tout et n'importe. Après, ils font des fois du jazz Pong. Dance, ils font du. Pong. Il y a du rétro gaming, il y a du. Lap dance. Il y a de l'indé, il y a tout et n'importe. Le pauvre. Non, ils jouent vraiment à tout et n'importe. Donc après, il y a pas ce jeu-là, par contre. tu connais c'est comme ça, c'est comme certain. Ça doit être sur Switch. Ou sur mobile, mais. Non, si c'était mobile, je le connaîtrais d'après. Bah oui, c'est vrai. Non, bah moi je pourrais répondre à la question du est-ce que ça a redoré le blason des jeux vidéo. Je pense pas, par contre, ça a redoré le blason de la télé. Tu vois, qu'ils sont dit, oh, quand même, ils en ont parlé d'habitude, ils crachent dessus. Je crois que c'est plutôt comme ça. Ah, ils se sont fait un peu bien voir. Moi je pense que c'était ça l'intérêt du truc. C'est de dire, vous avez vu, nous aussi à la télé, on peut dire des trucs sympas sur les jeux vidéo. Nanana, je pense que c'est plus ça. Hein. C'est de la récup hein, pour moi. Je pense c'est comme quand t'as, je sais pas, des athlètes, on va dire les judokas par exemple, qui sont pas mainstream de base, qui vont faire une super perf au championnat du monde au Japon. Et du coup, t'as les médias qui d'habitude s'en battent les couilles complets et qui finalement surfent dessus parce que t'as eu 3 médailles d'or et sur le moment ça fait plaisir et les Français aiment ça. Et voilà, après, redorer le blason à long terme, j'ai un énorme doute, mais on peut toujours se planter. Alors, je rebondis juste sur ce que tu disais sur la télé qui essaye de se replacer au niveau du jeune public, puisque finalement ils savent qu'ils sont en train de perdre. Face à YouTube et face aux streamers, hein. Globalement, la télé est en train de disparaître au profit de la nouvelle télé et des nouveaux animateurs. T'as eu l'heure d'avance aujourd'hui, toi ? Même Hanouna, dis donc ? J'ai pas de télé, je regarde pas la télé. Bah, moi non plus, mais tu payes comme l'heure d'avance. Même Hanouna et tout ça. Un téléviseur ? Enfin, un téléviseur, oui, mais qui a la télévision ? Personne. Qui regarde la télévision ? Qui regarde la télévision ? Ouais, qui ? Personne. De nous quatre, là. Tu regardes la télé, toi ? Non. Voilà. Bon, voilà. Ouais, donc, c'est ça. Donc, la télé essaye de rattraper un petit peu clairement. Sa baisse de part de marché sur les jeunes publics. Et alors justement, moi je voulais ressortir aussi un petit truc sur ça. Moi, je me souviens encore d'il y a quelques années sur Canal+, c'était dans l'émission. Journal du Hard. Non, c'est avant, juste avant, le Grand Journal présenté par Antoine Decaune. Ah bah tu vois, on est pas loin. Oh bah oui, mais et pourtant, je l'aime bien. Et Dieu sait si je l'aime bien Antoine Decaune. Mais dans son émission, il y avait une gonzesse du nom de Mathilde Est. On va taire son nom car ça lui ferait trop d'honneur. Qui avait une chronique pop culture. Aujourd'hui, elle est chroniqueuse à France Info avec Ben. Une chronique pop culture. Et on sentait qu'elle était aussi passionnée par ce milieu que moi par l'e-sport. Alors on réécoute juste pour le plaisir. C'était il y a 4 ans à peine. Twitch, c'est une plateforme en fait où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est pas une niche de geek, c'est un vrai phénomène. Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale, ce que vous me racontez, Mathilde. C'est ça. Bien, c'est le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. Éteignez tout. Voilà, elle était au top de voilà, elle était vraiment dans le futur. Je peux me permettre un commentaire. Canal+ qui a quand même fait énormément d'argent en vendant du football, c'est-à-dire des gens qui regardent d'autres gens jouer. Exactement. Canal peut-être arrêter de te foutre de la gueule du monde. Enfin, je veux dire, quand tu fais ça sur une chaîne de télévision qui a fait de l'argent sur le même principe. Exactement. Ouais. Canal+ qui quelques mois après a racheté Golden Moustache et a mis Alison Wheeler et Monsieur Poulpe à la météo. Deux des plus gros youtubeurs à l'époque. Enfin, c'est quand t'as peur d'un truc, soit tu le montes du doigt, soit tu fais en sorte de le faire venir chez toi pour l'apprivoiser, quoi. Hein, c'est comme ça. Mais là, enfin, moi je me souviens de cette séquence-là, ça a fait un tollé total. Ils se sont même excusés quelques jours après. Il y a trop de monde en face. Enfin, je répéterai pas ce que j'ai dit, mais voilà, quoi, de la part de Canal+, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. C'était vraiment un peu abusé ce truc-là, quoi, pour moi. Plus globalement, juste un petit tour de table rapide. Vous avez regardé le The Event? Bon, toi, Jay, je suppose, rien que pour le boulot. Oui, voilà, oui. Après, oui, j'ai regardé vraiment les 6 dernières heures. Et pour le coup, j'ai vraiment. Non, mais vraiment, parce que c'est le rush final, en gros, tout ça. Et j'ai trouvé Squeezie vraiment, vraiment agréable à regarder, pour le coup. Qui était vraiment investi dans le projet, alors que l'année dernière, il n'y était pas. Et vraiment, ouais, vraiment très, très sympa à ce niveau-là. Après, c'est pas ma cam de base de regarder tous les streamers et youtubeurs possibles. Mais ça s'est pas mal regardé, ça va. Les coups de vin, ni pour ni contre, bien au contraire. Mais t'as pas regardé quand même. Non, j'ai regardé de loin un peu les chiffres et les machins là, et ça m'a pas dérangé. Alors que d'habitude, les youtubeurs me hérissent le poil, et là, ça avait, la démarche avait l'air. La démarche avait l'air honnête. Non, mais ça, la démarche avait l'air au moins honnête. Alors que des fois, t'as des trucs caritatifs qui. Sans forcément. Marketing, exactement, ouais. Là, finalement, c'était pas trop. Finalement, c'est un truc qui était caritatif et pas trop marketé, quelque part. J'ai pas regardé, j'ai regardé aucun live, aucun Twitch, rien du tout. Par contre, j'ai suivi de loin, j'ai regardé des rétrospectives, des petits résumés aussi de ce qui s'était passé. Je trouve ça super intéressant. Bon, je suis pas trop, j'aime pas trop Twitch, ça, je regarde pas les gens en live. Ça m'arrive, mais c'est très très rare. Tu fais du foot, toi? Moi, je fais du foot, ouais. Moi, je joue. Croyant, mais pas pratiquant. Ouais, croyant, mais pas pratiquant. Mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant quand même de voir les autres jouer pour plein de raisons, comme le foot, hein, d'ailleurs. Moi, je suis pas footeux, mais je crache pas dans la soupe. Je trouve que ça peut... C'est divertissant. Ça peut avoir son effet de divertissement, justement. Et non, j'ai pas regardé, mais j'ai suivi de loin. Et je pense que si l'année prochaine il y a, je ferai la même chose. C'est-à-dire que je regarderai pas forcément, mais je suivrai de loin parce que c'est très intéressant. Tu regardes qui y a, tu regardes les chiffres, et puis tu regardes avec les jeux, ils jouent. Tu regardes qui c'est qui était présent, qu'est-ce qui a fait quoi, voilà quoi. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait aussi. Merci pour ce premier débat. On va rester avec toi, Yako, puisque c'est l'heure de la chronique musique. Je vais donc en c'est profiter. Pas moi, c'est Jack. Pas du tout. Merci. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, ferme bien. Alors, ce que je vais faire, alors avant que tu lances un jingle, ce que je vais faire, c'est que je vais me dessaper parce que monsieur Jay a raison, il fait méga chaud. Voilà. Ouais. Donc, il fait méga chaud. Un jingle de je me mets à poil et je me mets sinon, à poil. Sinon, on échange des chroniques, hein, tu me files tes feuilles et puis on se débrouille. Et donc, on arrive sur la chronique de Jack. Et moi, ce n'est pas parce que je ne veux pas t'écouter, Jack, je vais juste en profiter pour aller juste derrière l'ordinateur vérifier que tout s'enregistre. Ce serait dommage d'avoir. De ne pas avoir enregistré les 35 premières minutes car elles étaient fort agréables, n'est-ce pas, Jay? Tout à fait. Tout à fait. N'oublie pas qu'il y a de l'audio à passer. Hein. Tout à fait, mais je vais faire un aller-retour très rapidement et on va déjà lancer bien la chronique avec ce petit jingle qui va bien finalement. La chronique musique. La chronique musique avec Jack. C'est à toi, mon petit. Eh bien, merci, j'y vais. Alors, cette semaine, j'ai voulu faire un parallèle cross-média entre les musiques des jeux vidéo et les inspirations provenant notamment du 7e art. Si je dis pas de bêtises, c'est le lien cinéma. Tout à fait. Je me comprends pas avec la sculpture ou avec la peinture. Non, normalement, on est bon. La peinture, c'est le 3e, je crois. Je connais juste que le 7e, en fait. Et le 9e, c'est la bande dessinée. Et donc, c'est un exercice périlleux, puisqu'à chaque extrait audio d'un film, YouTube va, selon les mots de notre... notre président de notre cher JV va nous striker. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui est musique de film, on ne pourra pas les entendre. Donc, on va essayer de se cantonner aux musiques de jeux vidéo et voir si vous avez suffisamment d'imagination, d'oreilles et de culture pour arriver à les rattacher aux films qui vont en fonction. C'est un quiz, donc, du coup ? Ouais, bah, on pourrait. Ce ne sera pas vraiment cross-média parce que j'ai. Moi, je sais, du coup. J'avais une idée. Ça n'enregistre pas, mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. J'avais une idée qui ça m'amuse bien finalement. Qui était de départ, non c'est vrai ton histoire là. Non mais bien sûr ça enregistre. D'accord. Salut YouTube. Ouais, tu vois, YouTube, ben, moi j'aime pas les YouTubeurs mais si je suis dessus ça va. L'argent. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si vraiment cross-média c'était le terme que je voulais, mais voilà, on va dire un petit peu les influences que peuvent avoir certains styles sur d'autres et notamment sur le jeu vidéo. Voilà. Les ponts entre les différents arts. Merci. Donc voilà, alors on va commencer avec la musique de Doom. Là, I want you in my room. Alors lequel du coup j'en ai ressorti un autre. Ça s'est piqué à Karim Debbache d'ailleurs. Doomgate. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais, c'est celui-là, bien joué. Donc pour ceux qui ont les oreilles les plus métalliques d'entre nous, vous aurez reconnu l'inspiration d'un des Big Four du heavy metal. Oui. Alors les Big Four du heavy metal, est-ce que tu connais Yako? Les Big Four de heavy metal. Non, pas Big Four. J'en ai deux, moi. Metallica, Anthrax. Metallica, Anthrax, voilà, il m'en manque deux. Black Sabbath. Slayer, ça fait trois. Il en reste un. Megadeth. Exactement, bravo. Bravo, c'est le moins chevelu d'entre nous qui a réussi à répondre aux questions heavy metal. Sonisphère, à Melville. Bah voilà, c'est ça, exactement. J'y étais également. Donc, c'était Slayer. Donc en fait, la musique de Doom a été inspirée de morceaux de Slayer. Alors bon, si vous avez l'occasion d'aller les écouter sur les sites de partage de vidéos ou d'audio. Voilà Lego. Les titres originaux. Donc il y a Behind the Crooked Cross, Criminal Insane. Donc ça je crois que c'est Behind the Crooked Cross. Et t'as une inspiration de Source of Heaven également. Donc ça c'est des morceaux de Slayer. Qu'on ne passera pas puisque c'est justement YouTube strike ces morceaux parce qu'ils trouvent que c'est trop ressemblant par rapport, Par rapport aux originaux. Par rapport aux originaux. Et du coup sur certains titres, alors pas tous mais sur l'OST, certains titres sont strikés parce que c'est trop ressemblant, voilà. Donc on mettra les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent écouter Slayer. Donc pour les Big Four, alors théoriquement pour ceux qui s'intéressent, Metallica était considéré comme le plus mélodiste, Anthrax c'était comme le plus bourrin, Megadeth comme le plus technique et Slayer comme le plus rapide. Pour une petite anecdote, moi j'allais souvent au salon de la musique à Francfort, pour ceux qui, les, pour ceux qui connaissent. Oui, et donc j'ai longtemps croisé un mec avec une grosse barbe là-bas. Avec qui je me suis retrouvé aux urinoirs. Alors pour tout bien tout honneur, par pur hasard, on était pissés ensemble et c'était Kerry King. C'était le guitariste donc de Slayer. Donc j'ai fait pipi à côté du guitariste de Slayer. Et voilà. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors, True story bro. C'est vrai. Donc voilà, j'ai pissé à côté du guitariste de Slayer. Il y a pas leur chanteur qui est mort il y a pas si longtemps. Il y avait un guitariste. C'était Jeff Hanneman. Ah bah c'est lui alors. Ok, guitariste. Alors, et moi je le connais depuis l'époque et j'étais déjà fanman. Oh bien joué. Oh là là. Alors je peux pas mettre du boom boom en même temps que le son, donc du coup voilà, je le fais moi-même. Donc quand on parle de Big Four, on pense bien sûr, tu nous l'as dit tout à l'heure également, à Megadeth. Megadeth. Donc tu vas pouvoir me claquer la musique d'un jeu qui a fait les beaux jours des jeux PC. Pas du tout. Ah bien tenté. Mais c'est celle que je t'avais dit, c'est celle-là alors du coup. Merci. Megadeth est lui le plus grand groupe de métal devant Metallica, donc là c'est pour me faire des amis. Je vois déjà des gens armés de fourches devant le portail du studio. En 1999, Megadeth a sorti un morceau. Alors, en 99, pourquoi Megadeth avait sorti un morceau sur Duke Nukem? C'était l'argent. Pour annoncer un jeu. C'était pour annoncer Duke Nukem Forever. Forever qui n'est jamais sorti. Qui est sorti en... Le plus gros vaporware de l'histoire. Voilà. Et donc, sur la page Wikipédia de l'article sur Duke Nukem, ils ont fait un disque qui s'appelait Duke Nukem A Music to Score By. J'ai trouvé sur AllMusic. Très peu d'infos dessus. Alors si vous avez ça dans votre discothèque, vous me prévenez. Apparemment, c'était des musiques de Duke Nukem qui avaient été reprises par pas mal de groupes. Hein. Donc j'ai le truc en anglais. Hein, donc... Il y avait deux morceaux de Megadeth, il y avait des morceaux de Corrosion of Conformity, de Stabbing Westward, de Steven Dust, bref, tous des groupes de métal américains. Et là, on écoute la première track de l'OST de Duke Nukem. Ah, tu as 3D. Trouvé. Bah, c'est ça que vous... Ah, c'est celle-ci, voilà. Mais voilà, ok. Donc la version de Megadeth est vachement bien. Ouais. Et à aucun moment, c'est mieux que Metallica, mon gars. Tu t'es fait des ennemis. Fight. Je m'en suis fait un, mais il est pas chevelu, ça compte pas. Et oui, mais des mecs à Budapest avec des silencieux. Ah oui, c'est vrai. Parce que tu sais qu'ils écoutent pas Metallica notamment. Donc voilà, c'était pour la sortie de Duke Nukem Forever, sorti en 2011, donc 12 ans après la musique de Megadeth. Voilà, on va passer Ça c'est cool comme OST, tu vois. Typiquement. Ouais, ouais, ouais. Carrément, je serais curieux. C'est pas du 4 bits, hein, ça c'est sûr. Je serais curieux d'écouter justement ce fameux disque Music to Score By avec. Je vais essayer de le trouver, je vais voir ce que je peux trouver. Si vous l'avez, vous nous envoyez un message évidemment. Ah, c'est avec plaisir qu'on ou le disque directement. Ou le disque directement. Voilà. Vous envoyez le disque à webmaster@gametrip.net. Voilà. En physique. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine musique? Oui, il faut juste me dire c'est laquelle. Alors, musique avec un type qui a un fouet et un chapeau. Ah, bien joué. Mais il est fort, oh là là, blind test. Il est beaucoup trop bon. Vivement le quiz de fin d'heure quoi. Vivement. Alors, pouille. Oui, ah voilà. Alors Indiana Jones, je l'ai mis dedans. Bon, alors effectivement, quand j'avais cherché des musiques de films apparentés aux jeux vidéo, je me dis on va peut-être pas prendre tous les jeux qu'on reprit parce que sinon on n'est pas sauvé. Bah déjà tous les jeux qui viennent d'un film quoi. Mais exactement. Mais en fait j'ai écouté celui-ci parce que je trouvais rigolo. Bah finalement c'est pas si mal comme adaptation pour Indiana Jones 3. Il était quand même sorti en 89, 90. Mmh, 90. Ouais. Et pour un son ad lib, et ben ça tient la route. Surtout qu'ils ont fait des arrangements supplémentaires. C'est-à-dire c'est pas calqué sur la version de John Williams. Il y a quelques arrangements rythmiques différents sur le jeu. Mmh. Léger, mais qui sont là quand même. Le thème original est déjà énorme au départ, et ça reste exactement la même chose en PC. Et je me suis dit, vu qu'on avait quand même des fans de jeux d'aventure autour de la table, ça aurait été dommage de passer à côté. Je l'ai fait en fait, celui-là, je me rappelle en plus. En point and click, on est d'accord. Ah, tu l'as? Ouais, ouais. Le vrai? Bon, oui, bah, bien sûr. Non, celui que j'ai acheté juste la sur le Switch. Non, le. Si c'est la machine infernale, je te crache dessus. Hein. Non, j'ai Last Crusade, celui-là qu'on vient d'écouter. C'est celui-là, Last Crusade, ouais. Et Fate of Maudit. Atlantis. Il était chaud, Last Crusade. Hein. Ouais. Je préférais Fate of Atlantis. Ouais, il était énorme. Parce qu'il y avait je sais pas si Last Crusade, il y avait déjà le principe où tu pouvais jouer soit en action, où tu devais te fight, soit en énigme. Si, en fait. Tu devais vraiment répondre. Alors, peut-être que Jimmy veut répondre, mais normalement, oui. Parce qu'en fait, par exemple, à un moment, tu as biff le nazi. Tu peux soit le friter, alors tu galères vraiment à l'attaquer à la main, ou sinon tu remplis une coupe pleine de bière, et tu le saoules, et là avec un seul coup tu peux arriver à l'avoir. Ouais. Donc il y avait quand même un côté, tu pouvais arriver à le friter en mode, en mode savate, mais ou en mode intelligent. En mode intelligent, mais c'est-à-dire dans Indiana Jones 4, c'est-à-dire le choix était plus ou moins imposé par la piste de départ, alors que là c'était en fonction de du cas quoi. Ok. Et voilà, et vu qu'on est dans les films, c'était le morceau qui m'avait donné envie de faire ce thème aujourd'hui, c'était Xénon 2. Xénon 2. Voilà. Et oui. Xénon les 2 phares. D'ailleurs. Alors je suis sur le cover en ce moment. Ouais, exactement. Je suis sur le cover en ce moment parce que c'est un de mes jeux doudou. Hein. J'adore la musique, j'adorais le jeu, c'est toute une époque. Il y avait un Nautil comme boss. Est-ce que des gens connaissent Xénon 2 autour de la table? Alors, moi j'ai jamais joué à Xénon, j'en ai beaucoup entendu parler. Beaucoup, non. Un truc qui ressemble un peu à Axelay. C'est un jeu en vertical, en Tate. Et donc en fait déjà à l'époque quand il est sorti sur Amiga, c'était un des premiers jeux qui reprenait tout un sample de musique. Donc rien que pour ça c'était déjà une prouesse. Là je crois que c'est la version ou Atari ou Amiga, donc la musique est déjà pas dégueulasse. Et à un moment on entend du scratch. Et en fait j'en ai parlé à un ami, hein, Sullivan, si tu te reconnais. Et bonjour. Et il m'a dit mais c'est Carpenter. Et effectivement c'est le remix de Bomb the Bass par Mega Blast. Et c'est effectivement inspiré de Assault on Precinct 13 de John Carpenter. Donc en fait j'ai voulu chercher des morceaux comme ça qui avaient été... des morceaux de jeux vidéo qui avaient été inspirés par des films et j'ai pas trouvé grand chose. Un petit peu de scratch. Exactement. Y en a un très connu. Lequel? Ah non, par des films, tu dis. Bah, par n'importe quoi, dis toujours. Ah bah non, mais je pense que tu vas y venir puisque tu me l'as fait le prendre aussi. Ah, j'en avais parlé dans une très vieille chronique, dans la première chronique. Et donc voilà, c'était Xénon 2. Alors l'original est vraiment sympa par Mega Blast et donc c'était tiré de la musique de Carpenter. Donc là-dessus, après, je vais essayer de continuer mes recherches. Alors, si vous avez des idées d'autres morceaux, justement, où l'inspiration est, saute aux yeux et puis on n'a pas forcément l'idée, n'hésitez pas à le lire parce qu'on trouve pas grand-chose sur Internet là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant de creuser dans cette direction-là, quoi. Mais on fera peut-être un petit dossier Game Trip dessus. Et bah c'est fantastique. Et suite à ça, on va écouter un petit morceau venu des Terres Slaves. Ah, enfin. Le morceau des Terres Slaves. Ça, on en a déjà parlé dans la toute première vidéo de Game Trip sur la première chronique musique. Musique traditionnelle russe. Exactement, donc en fait c'est pas un cover, c'est la musique originale. Alors on va attendre un petit peu parce que Jérémy, il faut qu'il entende, il va reconnaître. C'est Korobeiniki. C'est Hitman? Mais non, non. Dégage. Je sais pas. Mais non, mais je l'ai pas. 7. Je peux pas t'aider plus. 7. Non. Non, mais non, après, mais je suis nul. Mais ferme ta gueule. Les logos Game Trip alors. Bah c'est la musique de Tetris, mec. Mais oui. Début, mais... Allez. Il y a 7 figures différentes. Ah oui, ah bah oui, mais tu m'as dit comme ça. Hein. Bah je peux pas faire plus facile. Si, tu fallait dire tête. Et j'ai eu l'occasion donc de le jouer lors d'un, c'était rigolo, lors d'un bal folk à Lille. Donc j'ai joué avec Ghislain Morel qui est le percussionniste de Nal Band pour ceux qui connaissent. Bonjour Ghislain. Et je me dis putain mais je connais ce truc là. Et l'accourochement est donc une danse et internationalement connue comme la musique de Tetris. Eh oui. Mais c'est la Korobushka. Korobeiniki. Korobeiniki tu dis? Ouais. Ça se prononce comme ça? Bah c'est le titre original c'est Korobeiniki. Ah moi j'ai Korobushka. Je crois que c'est le nom de la troupe. Ah peut-être. Et moi je l'avais entendu une fois, c'était en me baladant au centre d'un parc d'attractions européen. J'ai entendu le thème qui m'avait tiqué l'oreille. Oui. Il le passe là-bas quand on arrive Europa Park, voilà. Quand on arrive à Euromir, il passe cette musique-là. Ouais. Dit, donc voilà, c'était la musique de Tetris. Tout le monde pense que c'est l'original, mais non, c'est une reprise d'un traditionnel russe. Comme ça, ils payaient pas les droits. Mais oui, un peu comme un enfoiré qui s'appelle Tarantino et qui a repris une chanson Misirlou. Qui est une chanson de Dick Dale qu'il avait lui-même repris mais en disant bien que c'était un truc grec à la base. Ah c'est grec de Dick Dale. Et Tarantino l'a refait remixer tout ça pour l'adapter à Pulp Fiction etc. Après, pour ceux qui s'intéressent, Dick Dale il jouait dans une guitare inversée avec les cordes graves vers le bas et les cordes aiguës vers le haut, ce qui lui permettait d'aller beaucoup plus vite sur le morceau. Vous êtes bien sur France Culture, il est 17h50. Et voilà, donc en vrac pour finir parce que je pense que je suis déjà en retard, je passe quelques trucs où il y a justement des plateformes entre le jeu vidéo et les musiciens, et notamment alors pour ceux qui aiment bien les jeux de flipper sur Saturn, je pense à Necronomicon. Je l'ai pas, non. Tu l'as pas, non, tu l'auras pas. Non, parce que c'est striké. Ça. C'est striké parce que notamment c'est du MP3. C'était John Petrucci, le guitariste de Dream Theater, qui a fait la musique de Necronomicon, qui est donc un jeu de flipper sur Saturn. Il est sur Game Trip. Exact. Ah ouais, bah, faudra que je regarde. Si vous étiez fan de Blizzard, alors je sais pas s'il y en a ici. Non. Non, vite fait, non. Dis-moi. Mais apparemment, plus personne n'y joue. Mais tais-toi. Donc, StarCraft 2. Ouais, non, c'est vrai que personne n'y joue. Non, alors pour le coup, StarCraft, j'ai dû faire la campagne, mais après. Mais tu m'as dit que c'était plus joué en e-sport. Bah ah oui oui. Bah, si oui. Non mais si, il y a toujours un circuit, si, mais Starcraft c'est super 2, c'est super. Joué, mais c'est vraiment ça, niche. C'est plus comme Starcraft de l'époque. Et je sais pas si le Starcraft remastered là, ils ont fait quelque chose en e-sport ou pas. Je crois pas. Hein. Non, c'est l'ancien Starcraft qui est toujours. Ouais, mais est-ce que le ouais c'est l'ancien, ils préfèrent jouer à l'ancien. C'est bien ce qui me semblait. Pardon pour le. Non, pas de problème, pas de souci. Au contraire, c'est bien, c'est le partage tout ça. Donc sur Starcraft 2, à un moment j'entends de la basse et c'était Tony Levin à la basse. Alors est-ce que vous connaissez Tony Levin? Adam Levin. Je vais faire très très vite parce que Tony Levin c'était notamment le bassiste de Peter Gabriel, et ça a été le bassiste de Liquid Tension Experiment et également le bassiste de la dernière tournée de King Crimson, pour ceux qui connaissent. Et donc Steve Vai et Halo, le jeu Halo. Donc il y avait le thème de Nabila, le thème de guitare de Halo, c'est joué par Steve Vai qui était le guitariste de Frank Zappa. Donc je trouve ça assez cool de voir tous ces musiciens pros qui avaient joué là-dessus. Donc il serait presque pu être le thème, de voir les musiciens, les vrais musiciens qu'on joue sur des musiques de jeux vidéo. Je trouve ça assez fun, il y a énormément de trucs à écouter, je vous encourage à y aller. N'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes, je suis ouvert à tout. Et puis j'espère que cette chronique, exactement, j'espère que cette chronique vous a plu. Si vous avez des idées justement de cross-plateforme, genre de trucs qui me font des mélanges musique et jeux vidéo, n'hésitez pas. Commentaire juste en dessous. Voilà. Merci Jack. Et ben merci JV pour cette nouvelle chronique fort intéressante et néanmoins recherchée. Vas-y, et en plein dans sa gueule. Je peux pas dropper le mic, je droppe les feuilles. On peut dropper le mic. Voilà. Surtout que c'est le tien, donc tu fais ce que tu veux. Exactement. Eh bien, nous allons. Et puis Prisoli. Nous allons continuer avec la deuxième partie de l'émission désormais. Oh putain, le limiteur là, il va. Nous sommes filmés, enfin. On est d'accord, c'est ça. Ça y est, non, ça y est, on va être striké. Là, on va être striké. On va être en moins de 10. Je vais être obligé de passer la vidéo en moins de 10. C'est Nirvana qui faisait ça quand il faisait des. Bon, bref. Oui. Eh bien, deuxième partie de l'émission, donc maintenant, avec le deuxième débat tout de suite. Le jeu vidéo, c'est dans les tripes et sur Game Trip FM. 0% coton, 100% oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.gametrip.net. Il rit. Il rit, c'est qu'il est vivant. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. On le dira jamais assez, c'est pour ça qu'on le dit une trentaine de fois par émission. Et quoi Que c'est la référence des jeux vidéo oldies. Tu le savais pas? Non, depuis 2006 pas en fait. Entendu. Game Trip, c'est la référence des jeux vidéo oldies. En fait. Ah, c'était pas en francs alors? Non, c'était pas en 2006, c'était quasiment les francs. 2001, les francs. Luxembourgeois. Dernier franc. Les launchers, on en parle, car Rockstar a. Les launchers, c'est-à-dire les trucs qu'on mange avec? Ou les launchers. Les launchers, si tu veux. Launcher, alors je peux le dire avec ton accent. Launcher, c'est l'entrée, c'est ça. Yeah. Ouais. Encore un launcher, puisque Rockstar a débarqué comme ça sans prévenir, mi-septembre. Ils ont dit tiens, nous aussi, on va mettre notre petit launcher qui s'appelle le Rockstar Games Launcher. Il permet à l'éditeur de GTA et de Red Dead Redemption, notamment, de reprendre la main un peu sur la distribution de ses propres jeux. Alors c'est pas nouveau, puisque en plus du géant de la vente Steam, on retrouve l'Uplay d'Ubisoft, Origin de EA, l'Epic Game Store évidemment, d'autres, Battle.net, GOG. Alors c'est plus des ventes parce que c'est pas vraiment des éditeurs qui font oui, c'est de la vente, la vente mais... en ligne, voilà. Et donc Rockstar Game Launcher remplace ou plutôt complète le Rockstar Game Social Club qui était déjà un truc un peu chiant, qui était un service en ligne associé à votre compte de jeu Rockstar finalement. Et qui permettait de jouer en étant connecté à son propre compte. Le seul truc marrant pour l'instant, en tout cas à la sortie, c'était il y a quelques semaines, il fallait lancer le Rockstar Game Launcher pour jouer, par exemple moi, à Max Payne 3 que j'avais réinstallé pour l'occasion. Sauf que si vous avez acheté comme moi le jeu sur Steam, le Rockstar Game Launcher se contentait d'aller ouvrir Steam, qui lui ouvrait votre jeu. Donc pour l'instant, il n'y a que 7 jeux dans la boutique, c'est pas compliqué, hein. Quelques contenus additionnels sont présents, mais il n'y a pas grand chose. Et puis en attendant, Red Dead Redemption 2, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il a été annoncé donc sur PC. Est-ce qu'il y a pour vous trop de launchers aujourd'hui, ou même si le concept même de launcher comme ça, qu'il faut passer par là pour lancer son jeu maintenant, est-ce que c'est pas un truc qui tue un petit peu le plaisir de jouer finalement? Un peu comme quand tu lances ta Xbox et que tu dois faire la mise à jour de 8Go. Sur une connexion faible et que du coup t'attends à peu près une demi-heure avant de commencer. Au pire, tu prends une vraie connexion. Non, mais je parle pas pour moi. C'est pas comme si j'avais dit. Mais n'importe quoi. Je suis rude des launchers, moi, depuis Battle.net, moi je suis. Ouais. Je suis déjà familiarisé avec ce truc-là depuis longtemps. Steam aussi, ça m'a jamais remarqué que ça me prenait plus de temps pour jouer, quoi. Je trouve ça même parfois pratique dans le sens où tu cliques sur un truc et puis t'as tous tes jeux au même endroit, tu les lances et puis voilà. T'as pas ça se passe comme ça, ça va. Bah, je sais pas ce que je t'ai dit, moi par rapport à Steam ou Battle.net, ça passe bien. Uplay, ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus parce que le dernier. Parce qu'il y a pas de jeu. Comme si, bah, il y a The Division qui est cool, non, Ghost Recon. Mais le dernier truc que j'ai fait chez, chez Ubisoft, c'était Assassin's Creed. Ouais, Assassin's Creed de Black Flag, c'est ça, le 4. Oui. Voilà, c'est vieux. Voilà, pour ça je dis donc. Donc quand j'ai voulu le remettre, et encore je crois que le dernier que j'ai voulu remettre c'était le 3, mais Connor est vraiment dégueulasse, du coup voilà, bref, on va pas digresser. Ouais, le Uplay, puis Origin c'est pareil, je crois qu'un jour ils avaient mis des jeux gratos sur Origin, du coup je l'ai mis et puis je l'ai enlevé parce que j'ai jamais joué au jeu. Donc non, j'ai pas de problème avec les launchers, moi personnellement je trouve ça ni bien ni moins bien, c'est un truc qui je me sers souvent, donc je suis habitué et voilà, pas d'avis. Bah, quand ça marche, encore une fois, parce que je prends l'exemple, moi, de je joue beaucoup à FIFA, donc du coup j'utilise le Origin. Ouais. Origin, à peu près 4 fois par semaine, il y a une mise à jour ou un bug, et tu peux pas du coup lancer ton jeu. Parce que maintenant, la plupart des jeux sont obligatoires d'être sur connecté à internet pour faire une mise à jour ou pour quoi que ce soit, pour jouer à certains trucs dessus, et que du coup, si tu l'as pas mis à jour, tu peux pas le lancer. Et donc du coup, quand t'as ton launcher qui ne marche pas, bah forcément, t'as plus rien qui marche, quoi. Alors, non, Steam pour l'instant, Steam n'a jamais, Steam est un peu tellement puissant finalement qu'ils ont jamais eu de vrais bugs. Mais les rares fois où t'as eu un Steam down, tu pouvais plus lancer aucun jeu. Ok. T'es baisé. Ça m'est jamais arrivé. Mais Steam, je conçois le problème. Ok. Mais comme ça m'est pas arrivé, que j'y ai jamais été confronté, ça reste abstrait. Mais je le comprends. Donc balèque. Non, c'est ce que j'ai dit, pas d'avis, parce que j'ai jamais été confronté à des problèmes. Je le décore là. Non, bah moi c'est un peu pareil, moi je vis beaucoup sur Battle.net clairement, mais... Quoi ? Ah tu veux récupérer ça ? Je vais récupérer le Pac-Man. Je sais pas, en fait ça me perturbe pas dans le sens où si tu peux tout ramener au même endroit parce que c'est... Ouais, non, je sais pas, ça me pose aucun problème. Et effectivement par rapport surtout à l'installation... Le truc de Steam de passer justement sur Steam pour juste installer et télécharger à chaque fois les mises à jour. Et enfin, t'as vraiment rien à faire, t'as plus du tout à aller dans l'arborescence de ton PC à te faire chier comme à l'époque, on va dire. Je trouve ça vraiment pratique. Après, pour le coup, Rockstar, il n'y a pas beaucoup de licences. Enfin, bah là, ils ont 7 jeux dans la boutique. Ouais, voilà, ils ont leur Red Dead, les deux Red Dead, GTA. Alors, c'est marrant parce que sur les 7 jeux, ils ont tous au moins 6 ans pour le plus récent, puisque c'est GTA 5. Donc c'est que des jeux finalement. Quand tu installais le launcher, tu pouvais, t'avais GTA San Andreas gratuit. Donc je l'ai pris. Je l'avais déjà en double exemplaire sur PS2 et sur PC. Et là, il te proposait de précommander Red Dead 2. Et la précommande te donnait le droit d'acheter d'avoir gratuitement un des jeux de la plateforme. Et comme j'avais déjà Max Payne 2, L.A. Noire et GTA San Andreas, il me restait plus que GTA 3. Max Payne 3, je veux dire. Ou Max Payne 3, oui. Mais après, ce qui est le gros point positif, c'est que par exemple, sur Steam, ne serait-ce que les propositions en fait, que ça fait par rapport à ce que tu as déjà installé en amont, ça te propose des fois, je sais pas, tu vas t'emmerder un petit peu, il va te proposer un RPG qui peut être sympa, où tu as les promos, tout ça. Oui, ouais. Et par exemple, sur celui d'Epic Games aussi, ils proposent très régulièrement du contenu gratos. Genre l'autre fois, il y avait les 3 Batman, le Arkham Asylum, Arkham Knight et... Ça arrive souvent, ouais. Mais c'est vraiment cool pour découvrir des licences que t'avais peut-être pas fait avant, quoi. Donc ou pour avoir une collection énorme. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai 140 jeux, je crois qu'il y en a 40 que j'ai pas ouvert. Bah je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là. Ouais, parce que t'as des bundles. Genre moi Steam, si j'ai 15 jeux, c'est le bout du monde, mais parce que je prends jamais les merdouilles qui passent pour les prendre, quoi. Enfin. Toi, tu joues pas en launcher. Alors écoute voir, j'ai dû y passer. Sur SNES, il n'y a pas de launcher. Il n'y a pas de launcher sur SNES. Alors j'ai dû y passer notamment pour replay pour récupérer l'Assassin's Creed qui a été donné avec la cathédrale qui a cramé. Ah oui, là, j'ai pris aussi. Voilà, exactement. On prend que des jeux gratuits. Écoute voir, j'ai vu une image là, qui m'avait fait assez rire sur internet où tu voyais un mec qui avait marqué. Il avait un chapeau de pirate et là il y a Netflix qui apparaît. Le mec qui range son chapeau de pirate dans son tiroir. Puis après, il voit, t'as l'image, t'as Netflix, t'as Disney, ensuite t'as Amazon, t'as les trucs là. Et tu vois le mec, il ressort son tiroir, il souffle un petit peu pour enlever la poussière et dit « Allez, tu m'as manqué. » Qu'est-ce que ça va donner tout ça finalement ? Des gens qui vont se dire « Finalement, quitte à me faire chier à télécharger des trucs, je vais aller sur Pirate Bay. » Ou ne le faites pas, évidemment, ne le faites pas, c'est pas non, bien. Non mais voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire à force d'avoir trop d'offres et de trucs comme ça, parce que moi je trouve... Effectivement, quand t'as un seul système, c'est simple, t'es là, moi j'ai ma collection de jeux vidéo. Quand tu commences à devoir en ouvrir 5, déjà c'est lourd pour le PC, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même de la ressource, de la ressource informatique qui est prise. Et puis après, des fois, moi, une fois que j'ai fini mon Assassin's Creed chez Uplay, j'ai aucun intérêt à aller me faire tous les adibou, quoi. C'est... voilà, pour Steam, ce qui était bien, c'est que tu avais une pluralité de l'offre. Mmh. C'est-à-dire, oui, ça, ça, là, c'est toujours, des... hein, Steam existe toujours. Steam existe toujours, mais par exemple, pour Epic, on voit que les mecs, ils font quelques trucs qui sont vraiment différents, donc il y a pas mal de trucs. Mais par contre, quand tu vois pour Rockstar, effectivement, l'offre est relativement pauvre. Mais Rockstar, pour l'instant, ils s'autorisent à continuer à vendre ailleurs. Le problème qu'il peut y avoir aussi, alors c'est bien quand c'est un GOG ou pas Battle.net, mais GOG ou Steam, ils sont cross éditeurs, on va dire, ouais. Cross plateforme, enfin plateforme pour certains aussi, mais vraiment ils prennent de tout. Pour des trucs comme Uplay et tout ça, s'ils ont un catalogue de 10 jeux, bon, ça va être vite chiant. Mais pour l'instant, ce qui est bien, c'est que Rockstar a dit on continuera, on s'empêche pas d'aller vendre ailleurs. Alors ce qui va arriver sans doute, c'est ce qui arrive avec le Red Dead Redemption 2 par exemple, qui sortira à la fin d'année. Il sortira sur le Rockstar Game Launcher en day one, et il faudra attendre un mois de plus pour l'avoir après sur Steam, pour que finalement ils rentabilisent le fait que les gens viennent l'acheter sur leur launcher à eux avant d'aller l'acheter ailleurs. C'est bien s'ils font ça. Si maintenant ils font comme Origin, où FIFA est vendu sur Origin et pas ailleurs, là ça risque d'être le bordel, parce que en vrai, comme tu dis, moi des fois il y a des journées où je joue à 3 jeux sur une journée sur mon ordinateur, et à la fin de la journée j'ai Steam qui est allumé, j'ai Origin qui est allumé, j'ai Uplay qui est allumé, et du coup ça fait de la ressource, ça fait, ça fait des launchers que tu as installés pour, des fois pour un seul jeu. Et t'as envie de dire, t'as fini le jeu, tu désinstalles le launcher et puis ça fait chier. Des fois, moi, bon, je rigole un petit peu, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi j'avais vu des reportages où les mecs étaient à la recherche du moindre KO, quoi. Ils avaient 4 KO sur 4 KO, le mec disait, allez, je vais essayer de me faire. Un peu comme ça. Je vais essayer de me faire. Et puis là, tu vois, t'es en train de me dire, oh, on s'emballe avec, t'as 32 gigas, on va s'ouvrir le Rock Game Star Launcher qui va nous ouvrir le Steam, qui va encore nous ouvrir de la merde. Et puis du coup, tu te retrouves avec des trucs qui sont super longs, les mecs disent, ah, va falloir changer de PC, alors que c'est juste mal optimisé, quoi. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'est gonflant de te dire, t'as une couche, plus une couche, plus une couche, plus une couche, qu'il faut forcément la zone. Et puis comme tu dis, le jour où le mec il a pas le web, il peut pas lancer son jeu. Ah oui, ça c'est le principe de tous les jeux. Donc, de maintenant même. Alors après, D'après Jack, pour vendre des ordinateurs, on fait des launchers. Bah et pourquoi pas. Macron démission. Macron démission. J'ai jaune. C'est-à-dire, moi je me rappelle d'un type, ils avaient réussi à faire un shoot. Et la contrainte, c'était que ça tienne sur une disquette. Il a fait un shoot de malade avec des trucs, avec de la décompression, des systèmes de compression, des trucs comme ça. Maintenant, je trouve que c'est un petit peu une espèce de paresse intellectuelle que de vouloir absolument avoir les plus grosses machines possibles, tout ça pour faire tourner un Tetris, quoi. C'est-à-dire, je reciterai Nolan Bushnell, le président d'Atari, qui disait on dit toujours que les nouveaux jeux, ils sont, que c'est des nouveautés, des innovations, que c'est plus beau. Il dit non, c'est juste plus beau. Les nouveautés, c'est avant Tetris, il n'y avait pas Tetris. Quand il y a eu Tetris, il y avait vraiment une innovation. Et moi, il prêche pour sa paroisse. Un peu. Mais après, tu vois, GTA 4 et GTA 5, pour moi, c'est la même chose, quoi. C'est plus beau, plus grand, plus. C'est ça, mais, voilà. Mais c'est pas forcément. T'as pas dit comme ma bite, quoi. Bravo. C'est pas forcément nouveau. Parce que c'est pas vrai. Donc, voilà, pour l'instant, sur PC, avec le launcher, il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui m'envoient du rêve, quoi. Pareil. On est deux contre deux là, on est d'accord. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal pour une fois. Oui, pour une fois qu'il n'y a pas consensus. Débat. Donc il y en a deux qui sont pour les launchers et deux qui trouvent que c'est trivial, quoi. Bah, moi je trouve ça plutôt cool en fait. Ouais non, je trouve pratique. Oui, pratique. Absolument pas contre ce que tu disais, parce que moi c'est ce que je fais. Désinstaller les launchers quand j'ai fini le jeu, et si un jour je vais y retourner, je le remettrai. Mais franchement, ça m'a posé. T'imagines pas le bordel que ça. Ça m'a posé aucun problème, moi. Quand j'ai faire des Steam, je ferais mieux de faire Half-Life 3. Ou mais Doctor Game Forever. Jamais ce jeu. Ah bah non, il est déjà sorti. Mais bon, bref, on se mettra pas truc. D'accord, tant mieux. T'as dit Half-Life 3, t'as tué le truc. Ouais, mais c'est... Ouais, ça fait mal. Hein, c'est un peu c'est, le point Godwin des jeux vidéo. Voilà. Ça, c'était Doctor Game Forever avant. Est-ce que maintenant on n'irait pas, parce que c'est un peu l'heure, sur une chronique que nous attendons tous, qui n'est pas prête. Il a terminé de l'écrire il y a 17 minutes. Attends, il faut vous ne l'avez pas vu parce que... Il faut d'abord envoyer le launcher pour balancer. Attends, on va envoyer le launcher, Yako. Le Game Trip Launcher. On va envoyer le Game Trip Launcher, on va voir si ça marche. True story, bro. True story. Avec Yako. J'avais mis ton jingle, Jack. Oui, je l'ai mis, bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que tu racontes, toi? Alors, tu vas nous raconter une vraie histoire. Alors voilà, exactement, une vraie histoire qui s'est passée il y a longtemps, parce que c'est le principe des trucs oldies, hein. Ouais. C'est de se rappeler qu'on est vieux. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs jeux, mais au-delà de ces jeux, je vais partager avec vous, pardon, environ 27 heures de ma vie. Donc compressé, hein. Faut que je mette 27... 27 heures de ma vie. Alors, l'émission à partir de maintenant durera 27 heures. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est le Z-Event Game Trip, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tout a commencé un vendredi soir vers 17h et c'est fini le lendemain, samedi donc, vers 20h, entre le 31 décembre 1999 et le samedi 1er janvier 2000. Au moment même où le monde est entré dans un nouveau millénaire. Ah non, on va être démonétisé. Oh mais non, on passe pas pour une seconde. J'ai un gros doute. Oh, ah bah, j'en ai prévu d'autres, du coup je les ai après. Ah ouais. C'était une époque où j'étais encore svelte et chevelu. Ah. Maintenant vous pouvez voir que il ne reste plus que et. Tu n'es plus que chevelu. Je devrais même pas, regarde là. Là. Ah là là. Ah. Ça commence. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Voilà, je devrais plutôt dire nous étions, car ce soir-là, nous étions 5. Il y avait Thomas, Jonathan, Jérôme, Thomas. Enfin, j'ai déjà dit Thomas, mais c'est un autre. Hein. C'est pas le même, quoi. C'est un gars, il a le même prénom, mais c'est pas le même. Il y avait deux qui avaient le même prénom. Ouais, voilà. Toi, c'est, il y avait un Thomas et il y avait un autre Thomas. D'accord. Ouais, okay. Voilà. Et puis, il y avait moi, hein, bien sûr, évidemment. Thomas. Ce soir-là, nous avions pour projet de jouer tous ensemble pendant au moins 24 heures non-stop. Le truc de fou malade ouf gueudin, un truc de puceau plutôt quoi. Hein. Nous avions la chance que les parents de Thomas, pas le second, l'autre que j'avais dit au début, hein, c'est le, enfin le mec qui avait le même prénom que l'autre. Ah. Voilà. Enfin bref, on va l'appeler Blo. Comme ça, j'arrêterai de m'embrouiller parce que c'est déjà le bordel dans ma tête. Donc si je continue comme ça, on n'y arrivera jamais. Je disais quoi déjà ? Ah oui, donc nous avions la chance que les parents de Blo venaient tout juste de finir de construire une nouvelle maison et y avaient emménagé très récemment. Oui. De ce fait, l'ancienne maison était totalement vide. Nous avons donc investi les lieux. Ainsi, le salon et salle à manger se changèrent en geek room pour adolescents en surplus de sébum. Ça ressemble vachement à celui de la dernière fois déjà. Mais non, ouais. J'avais 12 ans et c'était un anniversaire. Non, là, c'est nouvel an et on est... Enfin, bref. Nouvel an, j'en ai 13. 16. Oh, Oh là là, vient, c'est vient. Compliqué. Ah je sais plus où j'en suis. Nous avions... T'avais 16 ans. Nous avions... Nous avions plusieurs téléviseurs et plusieurs PlayStation et une Dreamcast aussi, dans mes souvenirs. Le Père Noël étant passé quelques jours auparavant, nous avions plusieurs nouveaux jeux à partager pour la soirée, mais surtout un en particulier, celui-là même qui nous avait donné l'idée de faire ce marathon, un jeu de course automobile avec des voitures qui roulent vite. Micro Machine. Je veux bien évidemment parler de Micro Machine 2 Turbo Tournament, édité par Codemaster et sorti en novembre 1994 sur Mega Drive. Il recommence. Non, je déconne. Je parle de 24 heures du Mans, édité par Infogrames et sorti en novembre 99 sur PlayStation. Pourquoi ce jeu qui n'a pas marqué les esprits, me direz-vous ? Pourquoi ce jeu qui n'a pas marqué les esprits ? Je pensais qu'il y avait un jingle. Parce que ce jeu... Eh bien, parce que dans ce jeu, il y avait un mode où on pouvait faire une course qui durait... 24 heures. Wow. Pour de vrai. La borne, alors. Genre 24. Ça tenait dans un petit disque. 24 fois 1 heure. Alors c'était lequel encore ? C'était Le Mans, c'est ça ? C'est 24 heures de Le Mans. Donc 24 fois 1 heure, soit 24 fois 60 minutes, soit. Très bien, dis donc. Heureusement qu'on a un mec qui a fait M. 86. ni l'un ni l'autre, j'ai fait électronique. Bref, 86 400 secondes de course sous le soleil, la pluie, pendant le jour, pendant la nuit. Avec des rillettes. Des quoi ? Donc des rillettes de Le Mans. Ah, des rillettes du Mans, pas de Le Mans, du Mans. Putain. Bon, allez. Nous nous étions planifié un petit roulement de pilote et à chaque fois que l'un de nous était fatigué, eh bien, il pouvait passer au stand pour faire tourner la manette et passer au pilote suivant. Un peu comme dans les vrais 24 heures du Mans. Bon, sans les voitures, hein, puis sans les odeurs de gomme brûlée et d'essence, et puis sans l'ambiance non plus, et puis sans les fans, et puis un truc de pitot, quoi. Il y avait du coca quand même. Attends, j'y arrive. Sans les Grid Girls. Je sais même pas que ça avait un nom, tu vois. Vas-y, hein, t'as le droit. Pardon ? Ah pardon, je crois que j'étais en train de faire quelque chose, pardon. Pendant que l'un d'eux pilotait, les quatre autres pouvaient jouer à d'autres jeux en attendant. Personnellement, j'avais prévu de finir le dernier Tomb Raider, sorti à peine un mois plus tôt, Tomb Raider Révélation Finale, édité par Eidos Interactive et développé par Core Design, et il est sorti le 3 décembre 1999. Oui ? Et quoi ? J'avais un son, là. Non, c'était Tomb Raider. Oh merde. Tomb Raider. Merci. Tomb Raider, donc. Sorti le 3 décembre 1999. C'est bon, ce son. Et vous savez que c'était le même jour que la mort de John Scatman. 3 décembre 1999. Alors, on pouvait pas mettre la musique parce que... On peut le faire. Merci, les gars. Attention aux démotivations. Ben non, ils peuvent pas capter avec les fréquences. Vous savez, c'est le Tomb Raider où Lara, elle meurt à la fin. Ah, non, en fait... on n'est pas sûr qu'elle meure parce que dans le 5 on retrouve son sac à dos. Je sais pas si vous ça, savez. Lara. Lara. Ah Lara. Clète. ça vient aussi. On a la ramasse. Donc c'est dans le 5 on n'est pas sûr qu'elle est morte parce qu'on a retrouvé son sac à dos. Oh. Non elle est pas morte. Et d'ailleurs dans le 6 on sait qu'elle est pas morte parce qu'elle est là. Ah, c'est fait. comme Xavier Dupont de. Ouais voilà. On a retrouvé son sac à dos et puis. Démonétisation. Bon, En même temps, c'est il y a presque 20 ans, donc les ça spoilers. Ça veut pas dire qu'il est vivant. Ouais. C'est il y a presque 20 ans, donc ouais. Les spoilers, on s'en fout. C'est un peu comme le. En fait, il est mort à la fin, Bruce Willis. Le père de Luke. Ah, tu veux tuer mon spoiler, c'est ça? Ah, pardon. J'y arrive, regarde. Moi, j'ai fini Final Fantasy avec Aerys. Un peu comme le père de Luke, c'est Dark Vador. Et, putain ouais, mais j'ai jamais vu, en fait, l'effet. Et Bruce Willis est mort dès le début du sixième sens. Voilà. Comme ça s'est fait. Allez, on commence cette histoire de fou malade ouf godin, et ça, j'avais déjà dit. Voilà. 17h, j'arrive avec mon matos, une PS1, deux manettes, Tomb Raider 4 donc, du Pepsi, des chips, des biscuits et suffisamment de saloperies sucrées pour buter tout un service hospitalier diabétique. D'ailleurs, les autres sont arrivés plus ou moins en même temps et avec le même chargement. Nous avions tous entre 16 et 17 ans cette année-là. Et allez savoir pourquoi, nos soirées étaient comme le rassemblement des corbeaux. C'était sans alcool. La fête est plus molle. Sauf que non, nous, on se marrait bien quand même. Parce que c'était des soirées de puceaux, quoi. Il y a des bons souvenirs, hein, soirées de puceaux. Ouais. 18h. Non. C'est ça que tu voulais ? Merci. Régie est pas au top. Hein. Ouais. T'aurais dû me le marquer. Tout est en place. Sur la PlayStation qui accueillait 24 heures du Mans, nous avions branché un volant Mad Catz avec retour de force, avec un pédalier et un levier de vitesse. La classe à Dallas. On est d'accord ? Tout le monde était jaloux de ce truc-là. Premier pilote à prendre le volant. Jonathan, dit Tourche, 16 ans. Tourche. Des centaines d'heures de pilotage sur Gran Turismo et Test Drive 5, un expert de simulation en course. C'est lui qui prenait le départ, déjà parce que c'était son jeu et son volant, et surtout parce que c'était son jeu et son volant. Comme au foot, quoi. Voilà. Celui qui ramène le ballon. Honnêtement, je me souviens plus quelle voiture on avait choisi, mais je crois bien que c'était une Porsche GT2. Bordel, ce que c'était plaisant de le voir conduire. C'était un énorme amas de pixels dégueulasse, mais à l'époque, on bavait tous dessus, quoi. 19h. Tourche est toujours au volant. Il nous a fait un super beau départ, et nous sommes déjà en 6ème position. Moi, j'étais toujours sur Tomb Raider 4. Et les autres étaient en train de jouer à Ready to Rumble sur Dreamcast. Oh. Je ferai pas l'accent. Ready to Rumble. Bref, voilà, c'était. La soirée commençait bien, on avait déjà renversé 3-4 verres de coca, quelques chips et des bretzels étaient écrasés sur le sol, et ça faisait que commencer. Saloperie. 20h. Il commençait à se faire faim, et comme nous étions livrés à nous-mêmes, nous avions prévu de faire une petite raclette partie, sauf pour le pilote désigné pour ce moment-là. Et c'est au tour de Thomas. Thomas. Pablo, hein, l'autre, celui que je vais appeler aujourd'hui seulement l'eau de l'ami. Deuxième pilote à prendre le volant, donc on va plutôt l'appeler Tammy parce que c'est chiant l'eau de l'ami. 17 ans, pilote émérite sur Toka Touring Car et Toka Touring Car 2, expert en conduite de précision. Bon, comme le 31 décembre c'est l'hiver, autant dire que les radiateurs à fond, plus l'appareil raclette, plus la fenêtre fermée, ça commençait à chauffer grave là-dedans et à sentir le fromage, les pieds et la transpi. Ah bah comme ici. Voilà. Mais comme on n'était pas encore sorti, personne n'avait vraiment remarqué l'odeur. 22h. Ah, j'étais trop rapide, c'est pas. Tout le monde a bien bouffé, bien bu et bien pété comme des porcs, parce que je rappelle qu'on avait 16 ans et que péter, c'était marrant. Un truc de puceau, quoi. Toujours pour certains ici. Et il rigole en plus. Tammy. Regarde, ça fait toujours rire. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ça le fait. J'ai même pas de prout. C'est pas fini. Oh là là. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Tammy n'avait réussi qu'à gagner qu'une seule place. Faut dire qu'il a dû passer deux fois au stand, une fois pour changer les pneus. Et au bout de sa deuxième heure de conduite, il avait refait le plein. Et c'est à mon tour de prendre la manette. Ah. Yako, 16 ans. Plus à l'aise sur les jeux de rallye comme V-Rally ou Colin McRae. Mais il n'était pas en reste avec un jeu de voiture tel que 24 heures du Mans. Yako s'installe, prend le volant, Yako sort des stands et Yako entre dans la course. Oui, je parle à la troisième personne, de moi-même, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Tu peux lui mettre de l'écho, si tu veux. Parce que je suis un acteur, comme dirait Alain Delon. Et c'est à mon tour de prendre la manette, j'ai déjà dit. Ça y est, le volant, mes mains sont sur le volant. Ça y est, j'arrive. Ça y est, mes mains sont sur le volant, mes pieds sur les pédales, je m'élance sur le circuit. Il fait nuit, il pleut, et je trouve ça beau. Les phares dans la nuit se reflètent sur l'asphalte mouillé par des perles d'eau qui tombent du ciel. Je me dis que ce n'est rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. De l'eau de là, de là-haut. N'est-ce pas, Véro ? Je jette un œil dans le rétroviseur, personne. Loin à l'horizon, je cherche le pilote en quatrième position. Mon objectif pour ces deux prochaines heures, prendre sa place. Bizarrement, je n'entends plus mes copains autour de moi. Pourtant, ils sont là. Ils festoient, ils jouent, ils mangent, ils boivent. Mais je reste parfaitement concentré. Jérôme, qu'on va appeler Choco, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque à cause de Choco des Goonies. Ah ouais, bah oui. C'est si moche que ça. Josh Brolin. Il s'approcha de moi et me péta littéralement au visage, parce que je vous rappelle qu'on a 16 ans et que péter, c'est marrant. Il rit. Ça marche, hein. Mais je reste imperturbable. Ni l'odeur, ni son gros cul de petit gros ne me déconcentre, car devant moi, au détour d'un virage, je vois une voiture. Oui, c'est lui, c'est le quatrième. Et je commence à me rapprocher de lui sévèrement. Un peu comme ma bite. Arrive une chicane, puis une longue ligne droite. J'essaie de prendre son aspiration et ça marche. Je suis littéralement dans son pare-choc. Au prochain virage, je l'aurai. Je peux pas chanter là, du coup, sinon ça va me... C'est la maf, parce que C'est la maf. Non, mais je chanterai pas. Du coup, les yeux rivés sur le virage, pourvu que rien n'arrête le voyage. Ah oui, oui. Et bim, je le passe. Bon, en forçant un petit peu sur l'intérieur de la courbe quand même. Hein. Un peu comme ma bite. Ça marchait bien là. C'est à ce moment que Blo me tape sur l'épaule et me dit « Passe au stand, il va être minuit, on va sortir faire les pétards. » Putain, j'étais content, j'avais pas merdé et j'avais même gagné une place. Minuit. Nous étions tous dehors à crier comme des cons. La fin du monde, on va tous mourir. Classique. Tremblez, ah bah oui. Pauvres pêcheurs, le jugement dernier est arrivé. C'est pas là que je dois mettre le... Bon, on a pété... Non pas encore. Bon, on a pété 5-6 bisons 4, une dizaine de fusées toutes pourrites. Vous pétez encore? Ouais, c'est ça. Et bon, on a pété tout court. On s'est gelé les rouleaux, au bout de 15 minutes, on a décidé de rentrer et refaire nos trucs de puceau. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas dit puceau, du coup... Du coup, t'avais une pause sur le jeu ou pas? Ah ouais, on avait une pause sur le jeu. Ah ouais, parce que sinon ça compte pas pour les 24 heures, le mec il fait les pétards, ça compte. Une pause, mais tu sais qu'en vrai, tu pouvais sauvegarder et reprendre les 24 heures plus tard, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était faire les 24 heures d'un coup. Bref, arrivé à l'intérieur, oh bordel, l'odeur, c'était ignoble. Je vous jure que dans une étable, ça sentait meilleur, quoi. On était tous au bord de la gerbe, mais au bout de 5 minutes, ben, on s'était déjà réhabitué, donc tout allait bien. Minuit 30. Ah, C'est où la régie? On va le refaire. Minuit 30. Cette fois, c'est Blo qui s'y colle. Blo, 16 ans, il est resté des heures accroché à sa manette, bouffant des kilomètres sur Need for Speed et Porsche Challenge, un as de la conduite ultra agressive. Avec lui au volant, on allait gagner des places, c'est sûr. De mon côté, j'étais retourné sur Tomb Raider 4, mais je commençais à m'emmerder un peu. Surtout que les autres à côté, ils se marraient comme des baleines. C'est un métier ça, comme les sons, hein. C'est vachement balèze. Hein. Putain. J'ai décidé de lâcher Tomb Raider 4 et une caisse. J'allais voir à quoi jouaient les trois autres cons là-bas. Ils étaient sur Worms Armageddon, édité par Microprose et développé par Team 17, et sorti en 99 sur PlayStation. J'ose espérer que tout le monde connaît Worms. Avec ses armes déjantées telles que le mouton explosif, le super mouton qui vole, la mémé qui éclate, le bazooka et les grenades, le fusil à pompe et bien sûr l'arme la plus fun de toutes, la plus puissante et surtout celle qui cassait bien les bonbons à tout le monde, la Sainte Grenade. Tiré de Monty Python. C'est bien simple. C'est bien simple. Nous n'avons pas lâché le jeu du reste de la nuit. C'était de la pure folie. Enfin, de la pure folie de puceau, hein. 2 heures. Doum doum. Blo s'est mis à crier en nous appelant. Ah putain les gars, je suis passé premier. Je passe au stand et je suis passé au stand il y a 1 heure. J'ai changé les pneus, j'ai fait le plein. Et là, je suis trop chaud, je roule 1 heure de plus. Je me suis dit cool. Blo va nous faire un petit peu d'avance et on va continuer à se foutre sur la gueule sur Worms. C'était vraiment les Z-Event de l'époque. Ah mais voilà. Bordel, qu'est-ce que c'était marrant. Dès que quelqu'un testait une arme ou un gadget encore jamais utilisé, c'était la connerie et le suicide du Worm s'assurer dans son équipe. C'était 100%. Hein. Sauf Tourche. Lui, il avait une équipe bénie, il avait renommé ses Worms. Il y en a un qui s'appelait JC, l'autre qui s'appelait Gontran, je le sais aussi. Villemout, et le dernier, ce putain de Zippy, hein, il s'appelait Zippy, et il avait une chatte incroyable. Il était increvable. Le genre de verre à finir tout seul avec 4 PV, pile à la limite de l'effet de l'explosion de la Sainte Grenade de merde qui venait de buter tout le monde. C'était insupportable. 3 heures. Doum doum. Ça y est, Blo commence à fatiguer et surtout, il avait hâte de nous rejoindre. C'est donc au tour de Choco, 16 ans. Très bon pilote sur Gran Turismo, certainement le meilleur d'entre nous. Nous étions toujours premiers et nous avions une avance bien confortable. Blo découvrit enfin Worms, or nous avions quelques heures d'avance et une meilleure maîtrise de certaines armes, autrement dit, autant dire qu'au début, il a pris cher sa mère, autant qu'un puceau pouvait prendre cher sa mère. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas dit Puceau. Mais aux alentours de 4h du matin, alors que nous nous amusions toujours aussi bien sur Worms, Choco se met à crier à son tour. Oh putain, je sais pas ce qui se passe. La voiture, elle ralentit. Putain, s'arrête. Mortifié, tout le monde se jeta sur le téléviseur sur lequel Choco jouait. Le constat fut effarant. Ce gros con avait oublié de refaire le plein. Ça faisait pas une heure qu'il roulait, qu'il venait de niquer la course à lui tout seul. Et évidemment, personne n'avait sauvegardé depuis longtemps. Pour les faibles. Du coup, bah, c'était foutu, hein. Et pour bien nous niquer le truc, il nous a dit « Bon, bah, de toute façon, je suis fatigué, je rentre chez moi, je vais dormir. » Et nos 24 heures du jeu non-stop, hein ? Putain de lâcheur, quoi. Un vrai puceau. Ça y est, je suis aveugle. Ouais. Jack est en train de jouer avec un flash. Arrête, la caméra, elle va pas supporter. Je vous jure que la suite était méritée et je crois que nous ne lui avons jamais raconté ce qui va suivre. En gros, non, Choco pas. N'est pas au courant de ce qui va se passer ici. Il nous écoute. Eh ben, désolé, Choco. 8 heures. C'est un connard. 8 heures. Ça fait déjà presque 9 heures que nous étions lancés sur Worms. Avec ça, c'était vraiment un party game de malade. Parce que même quand t'avais pas la manette, ouais, parce que c'était chacun son tour, hein, pour ceux qui savaient pas. Il y avait que deux manettes. Non, une manette. Ah bon. Une manette, c'est chacun son tour, tu passais la manette. Donc il y avait qu'une manette, et même quand c'était pas à ton tour de jouer, bah, tu t'amusais quand même en voyant tes potes tenter des trucs improbables avec la corde de ninja ou à essayer de jouer avec les effets du vent sur certaines armes. C'était méga fun. Bungie. 9h. Doum doum. C'était l'heure du petit-déj, et bizarrement, il y a eu comme un second souffle qui fait qu'on était moins fatigué. Bon, sauf qu'à un moment, Tourche a fait tomber un paquet de cookies entier par terre. Je vous raconte pas la gueule du sol, hein. Ça collait partout, il y avait des miettes d'à peu près tout ce qu'on avait bouffé, plus la terre qu'on avait rapportée de l'extérieur quand on est sorti à minuit. Même Steve-O de Jackass n'aurait pas voulu lécher le sol. Évidemment, les cookies ont baigné là-dedans pendant quelques minutes, jusqu'à ce que je ne sais plus qui en écrasa un avec sa godasse. Là, Blo râla un bon coup, et Tourche ramassa soigneusement les cookies qui restaient pour les remettre dans la boîte afin que personne ne remarche dessus, et posa la boîte sur la table. 10h. Doum doum. Qui sait qui revient comme une fleur ? Je sais pas. L'air de rien, c'est Choco, ce gros loser. Bon, j'avoue que j'avais un peu la haine. Bon, le mec revenait en pleine partie de Worms, du coup on l'avait pas trop calculé tout de suite. Bah, déjà parce que on s'en foutait, hein, qu'il soit là. Ouais, parce que on a pu lâcher Worms de la journée jusqu'au soir. Je sais plus où j'en suis. Voilà. Et on a joué à ça tout le reste du temps comme des gros puceaux. Donc il est revenu, il s'est assis et il nous a regardé jouer. Doum doum. Ah, nous, on commençait à refatiguer un peu. Du coup, on riait moins, on baillait plus. C'était plus calme, quoi. Suffisamment calme pour qu'on commence à entendre un bruit, le genre de bruit auquel d'habitude tu fais pas vraiment attention. C'est à ce moment-là que Tammy se retourna, me tapa sur l'épaule, sans rien dire, la bouche grande ouverte. Je me retournai à mon tour, fis la même tête que lui, et les autres s'arrêtèrent à leur tour, et le spectacle était horrible. Choco, assis sur une chaise, le paquet de cookies déjà bien entamé dans une main, et de l'autre, un énième cookie qu'il portait à sa bouche. Oui, oui, le paquet de cookies. Le fameux paquet de cookies que Tourche avait foutu en l'air quelques heures plus tôt. Et là, le clou du spectacle, c'est Choco, tout en mangeant ses délicieux cookies, contempla le sol et s'écria « Eh ben !» Pardon ? C'est vraiment Choco. Ouais, c'est voilà, c'est Choco. Et donc, tu vois, tu m'as coupé, je sais plus où j'en suis. Et là ? Et contempla le sol et s'écria « Eh ben, c'est super propre ici, on pourrait manger par terre !» Eh ben, tu crois pas si bien dire, mon gros. Là, c'était trop. Tout le monde était éclaté, fou rire de 10 minutes, la fatigue jouait certainement aussi un peu. Choco leva les yeux, pensant que c'était lié au jeu Worms, et continua à bouffer ses cookies, tranquille. Hein. Le fou rire passé, nous voilà repartis dans notre guerre de vers de terre pour les 10 heures suivantes, comme des puceaux. Nous avions continué jusqu'à 20h, je suis rentré chez moi à 21h, je me suis couché et endormi instantanément, car le lendemain, ben, fallait tout nettoyer. Nous avions pas fini la course des 24 heures comme c'était prévu, je n'avais pas fini Tomb Raider 4 comme c'était prévu, mais même 20 ans après, je me souviens de cette soirée de Nouvel An comme l'une de mes meilleures soirées de Nouvel An de ma vie. Tout ça grâce à la magie créée par des vers de terre, surtout Zippy, une bande de potes, des jeux vidéo, un paquet de cookies et un sol dégueulasse. Et on n'est pas mort en plus le jour-là. Voilà. C'était une vraie histoire ? C'était une vraie histoire. Tu les vois encore, tous ces gens ? Libre. Ouais, est-ce que t'es... Bah oui, du coup, oui. Bon. Alors, Choco, Touche, je suis quasiment sûr qu'il nous écoute, et qu'il nous écoutera parce que c'est demain, donc il nous écoute, là. Ah. Salut, Touche. Touche, je suis quasiment sûr qu'il nous écoute. Il n'est pas mort. Blo, ça m'étonnerait fortement. Xavier parce Dupont. Qu'il est décédé. Non, non, mais j'ai tenté de reprendre le contact, mais j'ai pas de nouvelles, malheureusement. Xavier Dupont, par exemple, il était là. Bah, c'était le troisième, c'était Tammy... Choco. Tammy, je très peu de contacts, je sais que je l'ai sur Facebook, mais pas sûr qu'il nous écoute. Et puis Choco, non, c'est sûr qu'il nous écoute pas. Je crois qu'il nous fait la gueule un peu à tous. Et aussi, à tous pour des raisons obscures. Bon, et avant, et pas avant vous, de savoir ça en plus. Ouais. Je crois sincèrement. Alors que nous, on n'y est pour rien, il nous fait la gueule. On je crois sincèrement qu'il ne sait pas la fin de l'histoire. Vraiment. Eh bien, il le saura maintenant. Merci Yako d'avoir révélé tes plus sombres secrets aux oreilles. De millions de personnes et de gens qui écoutent avec plaisir, je crois. Des gens qui s'identifient à Choco et qui voulaient voir la fin de l'histoire. J'ai des gros qui aiment Choco. Je referai ça le mois prochain. Bah, pas exactement la même, j'espère. Si ? Ah, d'accord, ok. Bon. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.GameTrip.net. GameTrip.net. Tu aimes ça la dubstep, Jacques ? Il faut au moins avoir l'impression que ça nous fait plaisir d'être là, quoi, tu vois. Oui, bah, s'il vous plaît. Troisième partie, donc, sur les 130 ans de Nintendo. Vous connaissez ? Un super Nintendo. Un c'est super... que ceux qui font des service games, c'est ça ? Exactement. Ah bon. Et oui. Et ils ont fait des machines de où on met des pièces dedans. Et en fait, tu peux gagner des trucs. Des parcs-mètres ? Ah des... non. Non, non, au Japon, ils font ça. C'est, ça cartonne du feu Comment de Dieu, apparemment. Comment ça s'appelle ça, en vrai ? Bah, des pachinko. Non, c'est pas des pachinko, c'est des claw quelque chose. Enfin bref. Truc catcher. Ils ont fait des trucs en tout cas. C'est hein. Ça, c'est des trucs catcher. Grab catcher. Tout a commencé le 23 septembre. UFO catcher, ça s'appelle. UFO catcher, exact. Si je vous emmerde, vous me le dites. Hein. UFO catcher, voilà. Et donc sorti en 72. Tout a commencé le 23 septembre 1889 près de Kyoto. On va refaire tout l'historique depuis. Ah, non, c'est pas vrai. Tout petit déjà. 130 ans donc de magie, de champignons, de consoles révolutionnaires ou non, de carton aussi, tu en as parlé tout à l'heure, de sport virtuel. Alors Massimo sur notre Facebook, puisqu'on a demandé quelle était selon vous la plus belle création Massimo. De Nintendo. Massimo, il a dit refourguer les mêmes jeux depuis 30 ans et les faire payer plein pot. Voilà, pour lui, c'est sa plus belle création. c'est plein de bon Votre sens. Votre avis déjà sur cette. Oui, j'allais dire, c'est plein de bon sens. Comme d'habitude, le concept a été pompé par Sony également et par Microsoft. Malheureusement, oui, après ils l'ont tous fait, mais c'était quand même le premier. Sondage sur Facebook, on a demandé entre Mario et toute la saga Mario, la saga Zelda, les Pokémon ou la SNES. Les gens ont voté en particulier pour la SNES apparemment. Ça a marqué ? Ouais, ça a marqué. C'est le truc qui a le plus marqué dans l'histoire de Nintendo. On va commencer par un petit tour de table vite fait. Quelle console Nintendo vous avez eu ? Moi, c'est pas compliqué, elles sont derrière. Une Game Boy, une GBA, une DS. Et puis c'est tout en fait. Moi, c'était les consoles portables. Je vais commencer parce que personne ne se lance. Pareil, bah, Game Boy, pas l'Advance, j'ai eu la Game Boy standard, on va dire. J'ai eu la NES, la Super NES. J'ai dû avoir la GameCube à un moment, je crois. Et la Switch soon, on espère. Oui, bon, ça, tu le dis à chaque fois. On a compris, je pense. Mais. Si, j'ai eu une DS aussi, ouais. Ah si, avec les comment ça s'appelle ? Les professeurs Layton, j'adore ces jeux. La DS, très bien. Bah c'est la DS, bah je l'ai. C'est ça. Voilà. Mais ouais, ça s'arrête là. Yako ? Alors moi j'ai eu une NES, j'ai eu un Game Boy, niquez tous vos mères. Un Game Boy, moi je suis d'accord. Voilà. Un Game Boy, pardon. J'ai eu une, alors après j'ai eu une Game Boy SP. Je sais pas si vous savez la Game Boy Advance SP. Je l'ai eu tard, hein, tout le monde avait la Game Boy Advance normale, mais moi j'avais la SP. Qui est décédé malheureusement. J'ai eu une Nintendo DS, j'ai pas eu de Super Nintendo. Ah, j'ai eu une GameCube. Non, j'étais Team Mega Drive, mon gars, cherche pas. J'ai eu les deux, moi. Beaucoup. Ouais, mais moi j'étais. C'est quand t'étais gosse, à l'époque, il y avait la guerre, et moi j'étais Team Mega Drive, du coup c'était pas possible. Par contre, j'ai eu un GameCube. Parce qu'on dit un GameCube. Exactement, j'allais le dire. J'ai eu un GameCube, j'ai eu la Wii, et je me suis arrêté. Ah, la Wii, j'ai oublié la Wii. La preuve que c'est vraiment la console. La DS aussi, la Nintendo DS. On n'assume pas. Et je me suis arrêté là, et je comme je l'ai déjà dit le mois dernier, comme Jay, j'espère peut-être Noël, un Switch, tout ça. Un Switch. Pour l'instant, c'est totalement hors budget, mais c'est pas impossible. Jack, bro, je te demande pas, tu les as tout eu. Alors, la question, ça dépend. À l'époque, ou bien des années après. Oui. Non, on va dire à l'époque. Plutôt. Alors, à l'époque, à part la NES que mon parrain m'avait offert, c'était un miracle parce que pour ma communion, ma mère voulait plutôt que je m'offre un radio réveil. C'est la seule console que j'ai eue à l'époque et encore pas à sa sortie, j'ai dû l'avoir en 89. Donc, c'était une grande histoire d'amour après parce que mon frangin avait gagné les magazines et du coup, je voyais vraiment les jeux, ça me faisait rêver. Du coup, après, effectivement, par frustration, j'ai acheté tout le reste. Donc, je vais plutôt répondre dans l'autre sens. À part la Virtual Boy, j'ai tout eu. Bon, en même temps, t'as rien loupé quoi. Non, voilà, Virtual Boy, ça m'intéresserait bien de l'avoir quand même un jour. Et donc, voilà, pour moi, alors Nintendo, je suis un peu fanboy, donc je risque d'être partial. Petite parenthèse, je crois qu'un de nos amis communs a un Virtual Boy. Hein. Non, le réunionnais, non, il a pas ça. Non, non. Et Sullivan, il en a pas un? Faudrait que je lui demande, je crois pas. Parce que moi, j'ai joué. Ah, peut-être, mais il l'a jamais ouvert. J'ai joué avec eux un jour à un Virtual Boy. Donc, quelqu'un là, mais qui ne sait pas. Bah, écoute, faudrait que je demande. Ouais. On aurait dû inviter Ben pour Nintendo. Ouais. Mais alors moi il y a un truc qui m'étonne là, c'est que quasiment personne n'a vraiment parlé de la Nintendo 64 qui est pour moi la plus belle création de Nintendo. Je l'avais pas. Non, moi j'ai joué chez des potes mais je l'avais pas, non. Moi ça m'a fait rêver hein, cette console hein, quand elle est sortie. C'était la première avec les 4 manettes, on pouvait jouer en écran split à 4. Mais tu sais en fait c'est des consoles qui n'ont pas été si vendues que ça, donc les gens n'ont pas forcément on a forcément été joué chez un pote à un moment mais c'est alors que toi la Wii c'est un phénomène de société. La 64 c'était une évolution du truc, ils ont mis 4 manettes, tu vois, c'était pas la révolution que ça a pu être quoi. Ah, moi je voulais une 64 hein, quand j'étais gosse, mais mes potes l'avaient. Ils voulaient jouer à FIFA. Hugo, quoi. Si tu le vois. Du coup, il y avait ISS sur 64. Ouais, mais mon père il voulait jouer à FIFA, du coup j'ai eu une PlayStation. Mais je suis pas bégal, hein, j'étais content d'avoir PlayStation. Mon père il voulait lire des bouquins. Ah ouais. Alors j'ai des bouquins. Vu Wave Race, c'est un des premiers jeux qui était sur la line-up de départ. Quand j'ai vu Wave Race, j'étais. Moi quand j'ai la 64, quand la 64 est sortie, moi j'ai eu Les Misérables. Non, mais Wave Race, c'est juste cette année. En version poche. Au Noël des gamers, d'ailleurs. On m'a fait l'année dernière, celui-là. Je l'ai cherché, c'est vrai que c'est un chouette jeu. Donc, qu'est-ce qui nous a marqué dans les 64? 130 ans? Moi, c'est la licence Z. À choisir, genre, entre Mario, je supporte pas, j'exagère, mais j'ai pas du tout d'affection pour, pour cette licence de manière générale. Par contre, Zelda, j'aime vraiment beaucoup. Je dis pas tous les Zelda, mais. La licence de manière générale, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mario, j'ai toujours l'impression de revoir un vieux pote quand je joue à Mario. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des Mario qui sont médiocres, mais je pense à Mario Sunshine sur GameCube qui était quand même une vraie perle, quoi. C'était un très très bon jeu qui avait quand même un peu de challenge, mais le challenge il était pas insurmontable. Vraiment un superbe titre. Mario 64 qui a été révolutionnaire quand il est sorti. Mmh. Les Mario Galaxy, même si plus personne n'en parle, c'était quand même des super titres. Et là, le Mario Odyssey, ils ont encore réussi à inventer le truc, donc ils avaient leur paquet de shitstorm, mais ils ont quand même réussi encore une fois un truc, le jeu est bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise. Tu vois, c'est ça, donc derrière les mecs qui disent « Ah, Nintendo, ils font toujours la même chose », et ben toujours la même chose, et à chaque fois, c'est nickel. Mais justement, Nintendo, ils ont eu la capacité un petit peu d'innover, et en même temps, quand on les attendait, quand ils faisaient pas d'innovation, ils étaient là où on les attendait. Sans surprendre, mais c'est quand même... Solide sur leurs appuis. Ouais, exactement. Parce que quand même solide sur les appuis. Non, mais ce qui est dingue avec Nintendo, c'est qu'ils étaient là dès les premières générations où il y avait une bataille avec peu de consoles. Ils étaient là ensuite quand il y a eu la grosse bataille Mega Drive, SNES, tout ça, et où il y avait même plusieurs constructeurs. On était à 5-6 constructeurs sur le marché. Ils étaient encore là. Et aujourd'hui, on est revenu à 3 constructeurs, ce qu'on disait dans le dossier sur les constructeurs le mois dernier. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Alors... des fois, oui, ils sont là où on les attend et il n'y a aucune innovation, mais ils ont quand même. J'ai refait un petit peu l'historique pour voir. Ils ont lancé. C'est eux qui ont lancé la troisième génération avec la Famicom. C'était un gros pari hein, parce que la Famicom elle s'est bâtie sur les cendres de la Atari et de la défiance du jeu vidéo. Ils ont réussi à l'imposer aux États-Unis, ce qui fait que ça a été un succès. C'est juste après le crash. C'est 85, je crois, la NES. Bah, c'est juste après le crash. Et 83 pour. 84 ou 83-84 le crash. Donc c'était les premiers à revenir sur ce créneau-là. Ils étaient là, ils étaient donc au cœur du débat, du combat épique de la quatrième génération avec la Mega Drive et la Super NES. Il fallait choisir à l'époque, on est d'accord. Il y a eu après un passage un peu à vide de la Gen 5 et la Gen 6 où ils ont finalement fait leur console sans plus. Et ils ont, depuis la septième génération, ils ont inventé le jeu wireless devant son écran avec la Wii. C'était pas wireless, c'était plus le motion gaming, quoi. Ouais, le Kinect est arrivé 4 ans après, donc ils ont lancé le truc. La console portable avec le dual screen, c'est la DS. Ils ont inventé le jeu. Le Game & Watch au départ. Ouais, la Game & Watch. Oui, mais ça c'est aussi une évolution. C'est par là qu'ils sont rentrés dans le jeu vidéo. D'ailleurs. Le jeu avec tablette, ensuite avec la Wii U. Ils ont inventé le jeu avec la console hybride, avec la Switch. Maintenant, ils ont inventé le jeu en carton. Qui est vachement bien d'ailleurs. C'est ce que Ben disait. J'ai pas testé, mais apparemment, tous ceux qui ont testé disent que c'est cool. Ouais. Ah, Ben, il y a joué ça? Ah, bah Ben, l'année dernière, il nous en faisait des éloges. Je sais pas, j'écoutais du coup. Quand il parlait Nintendo, on n'écoutait plus. Benjamin, si tu nous entends. Bah, c'est que t'es vivant encore, c'est cool. Parce qu'on n'est pas sûr, finalement. tape hashtag Ligonnès pour retrouver Benjamin. Donc ouais, quand même, ils étaient là, ils sont là. Ils ont ouais, c'est un peu le vieux pote. Nintendo, c'est un peu le vieux pote que tu retrouves, ouais, voilà, qui est toujours là un peu quand t'en as besoin. Et puis, mais bon, des fois, tu le perds de vue comme ça, mais tu sais qu'il reviendra quand même. Et puis quand ils font de la merde, tu vois, il y avait une expression que j'aimais bien, c'était un ami, c'est quelqu'un qui te connaît, mais qui t'aime bien quand même. et je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire pour Nintendo, des fois, t'as des trucs. Ils font de la merde, mais tu le pardonnes. T'as envie de dire, mais t'es sérieux Nintendo ? Moi, j'ai une DS qui a pété dans ma poche une fois, la toute première, hein, et j'étais dégoûté. Et donc, du coup, bon, tu les pourris un petit peu, et finalement, après, tu finis quand même par acheter leur merdasse derrière. Voilà, le truc au carton. Voilà. Hein, alors, et les Pokémon, toi, ça t'a pas marqué alors ? Mais moi, je suis grand fan de Pokémon. Bah voilà, je sais, c'est pour ça que t'en as pas parlé. Si, mais c'est pas vraiment eux, mais un peu quand même. Alors, c'est pareil, les Pokémon, moi, j'ai commencé, c'était tard. C'était, les Pokémon, c'est sorti en 99, je crois. 99, le premier. Et moi, j'ai commencé, je crois que c'était Pokémon bleu. En 2020. Bleu rouge, c'était non, bleu rouge. Non, 2000, ouais, c'était bleu rouge. De, vrai, 2001. C'était vert rouge, mais il y a jamais 2001, vert. Il y avait vert feuille, je crois, non. Non, vert feuille, c'était plus tard. Ah ouais. C'était un Reddit sur Advance. Bah le tout premier, c'était Pokémon, et après c'était rouge bleu. Non, Pokémon bleu et Pokémon rouge, ils sont sortis ensemble. C'était. Ouais. C'était pas le jaune en premier. Et non, le jaune est arrivé largement après. Ah ouais, d'accord. Non, je suis un gros fan de Pokémon. Non, je te fais confiance. Vraiment des bons jeux. Enfin, ça a très mal vieilli. Je l'ai refait là il y a pas longtemps pour un délire avec un pote. Sur émulateur sur mon téléphone, voilà, hop, ça c'est fait. Mais, tout le monde s'en branle, moi le premier. Mais si, Pokémon, je kiffe à fond, vraiment, je trouve ça vraiment super cool. Mais j'ai fait Pokémon en 2002, quelque chose comme ça, quoi. Donc en fait, c'était. Pas un vrai, quoi. La hype, elle était passée, il y avait justement le jaune, et on jouait ça au lycée, quoi. Le défi, c'était de faire ça en cours. En cours. C'était de jouer à Pokémon en cours et de finir sur le Game jeu, Boy. Ouais, c'était Golden Sun, mais bon, après. Est-ce que c'est pas navrant de voir que encore maintenant il y a encore enfin genre Pokémon Go ça marche genre beaucoup trop c'est... Je joue à Pokémon oui. Go. Ah oui non mais, oui, non, mais en c'est... ce moment là il est en train de jouer. Ouais, j'y joue. Non il a le téléphone devant là, il cherche. C'est cool. C'est rigolo. C'est ouais. Ouais. Bon, ça joue sur ça c'est Madeleine de Proust hein, ça joue sur la nostalgie sur tout ça. Je pense que si j'avais pas été là si j'avais pas joué à ce jeu là en 2001-2002 je serais peut-être pas sur Pokémon Go aujourd'hui. Ça marche avec un jeu qualitatif à la base. Mais ça marche très bien, les Pokémon sont rigolos, tu prends les arènes, tu prends les trucs, c'est marrant, mais voilà, on va pas faire voilà. On va pas parler de jeux mobiles sinon j'y vais, il va péter un câble. Je regarde dans les yeux, le fait. Voilà. Oui, c'est bon. La hype rétro gaming, des trucs que t'as connu quand t'es jeune, c'est vrai que ça joue. Hein. Moi j'ai refait le Zelda, le nouveau remake qu'ils ont fait. Oh, je suis chaud. Donc, ils l'ont chié à la gueule en disant c'est pas beau, le jeu se finit en 8 heures, c'est vrai. Le jeu original était déjà onirique, alors il était vachement beau parce que c'était à l'époque. Non, pour une Game Boy, t'en prenais plein la gueule. T'es là, t'es riche, t'as Zelda 3 sur Super NES. Il envoie le pâté, t'as des pubs partout. T'arrives, putain, j'ai pas de blé. Oh punaise, ils le sortent sur Game Boy, c'était quasiment le même. Donc un peu plus court, forcément, dû aux limitations techniques. Mais c'est-à-dire, le jeu était vachement beau. Et là, le remake, bon, et bien sûr, il se finit en 8 heures. Ils ont rajouté un truc supplémentaire qui est sympa, mais sans plus. Mais c'est vraiment, ouais, c'était fait Madeleine de Proust, quoi. C'est-à-dire, je pense que les jeunes peuvent s'y mettre parce que les jeux sont hyper mignons et puis que l'histoire est jolie. Hein, c'est-à-dire, sans spoiler, vraiment, vraiment sympa. Bah, Nintendo, c'est un est-ce qu'on peut spoiler le jeu? Il est sorti il y a 20 ans. Tu parles de Pokémon Awakening ou Pokémon Zelda Awakening. Ah ouais, mais il est sorti à la fois il y a 20 ans et à la fois il y a une semaine. Donc il est en train de jouer à Pokémon Go. Putain, non, c'est pas vrai. Regardez, c'est Link Awakening. Je passe ça se voit de là en 400K. Non, mais on peut le mettre. Tu vois. En 400K, qu'est-ce que je raconte? En 460p, je sais pas quoi. En 480p. Mais par contre, on le mettra sur. Vous le voyez juste à côté de votre écran, là, quelque part. Là. Moi, j'ai joué sur mes toilettes et puis j'avais plus de piles à un moment et j'ai perdu ma sauvegarde. Et crois-moi, ça fait chier quand tu es le dernier boss. Alors là, on va être striké avec tes conneries, c'est bien. Mais non, pas pour la musique de jeux vidéo quand même. Voilà, c'était l'intro de Link Awakening. Il faut arrêter maintenant, monsieur. Tu sais que tu peux le mettre directement dans la console. Non, mais voilà, c'est bon. Mais ouais, voilà, bon anniversaire Nintendo finalement. Alors, qu'est-ce qui nous a marqué? Parce que t'es mignon, tu ne parles que des jeux vidéo. Ouais. Mais effectivement, il y a les Game & Watch, et avant ça, il y a tous les jeux lumineux qu'ils ont fait. C'est-à-dire, il y a un truc que j'ai vu à vendre il n'y a pas très longtemps, c'est une tête de lion sur laquelle tu peux tirer qui est lumineuse. Ils avaient fait également des bornes d'arcade, Duck Hunt, la première Duck Hunt, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est peut-être annoncé le truc avec les cowboys, comment il s'appelle ce jeu-là? Le jeu que tu as avec les cowboys qui était également dans Retour vers le futur. Oui, c'est ce que je dis, Gun Wild Gunman. Wild Gunman, ils avaient fait un jeu à la Mad Dog McCree avec un truc vidéo. C'est incroyable, c'est des trucs dont on parle très très peu dans le monde du rétro gaming. Ben alors il y a des excellents ouvrages de Pix & Love là-dessus, de Florent Georges, où ils en parlent. Et, alors, Florent Georges. J'ai dit que Pix & Love était bien. Hein. Et donc là, j'ai vraiment offert un petit jeu de cartes à Nafuda Nintendo. C'est sympa comme tout, c'est pour des jeux de cartes. Ils ont fait plein de jeux comme ça, assez fun. Ouais. Dans WarioWare, il y a ça, tu vois, par exemple, le truc, l'espèce de bras télescopique. Tu vois ça dans WarioWare, c'était des inventions de Gunpei Yokoi avant qu'il fasse la Game Boy. Et Pokémon ? C'est lui Je ne sais plus si c'est lui. En tout cas, il en a fait beaucoup, oui. Ouais, donc, bah, c'est une des têtes pensantes de. Donc, au-delà du jeu vidéo, effectivement, ils ont ah, bah, en 130 ans, oui, ils ont le temps, quoi. Alors, de toute façon, il n'y avait pas de jeu vidéo. Tu sais pourquoi c'était connu au départ, Nintendo ? Non. Pour les Love Hotel. Mais oui, c'est clair. Voilà, ils avaient une chaîne de Love Hotel au Japon. Ouais. Mais finalement, ils ont fait des Pokémon, comme quoi. Bah, après, peut-être qu'avec les Pokémon, tu peux trouver des nanas. Avec Pokémon Go, tu trouves une nana, tu vas au Love Hotel, la boucle est bouclée. Et voilà, parfait. Bon anniversaire, Nintendo. Merci, Nintendo, pour toutes ces années de bonheur. On reparlera de vous dans 130 ans pour le prochain anniversaire. On sera là. On sera là, évidemment. Eh bien, nous sommes en retard, mais c'est pas grave parce que finalement, c'est quoi le temps quand on s'amuse ? C'est finalement un. Tout ça, c'est une notion un petit peu. Voilà, j'ai envie de dire. C'est une notion, c'est d'abord des rencontres. Voilà, je... Par contre, à Glasgow, j'ai rencontré un ami qui. Merci, la vie. Et donc, on va passer à notre nouvelle rubrique, finalement, qui n'est pas une si nouvelle rubrique puisque elle était déjà là lors de la dernière saison. Mais maintenant, ça s'appelle les gros bits. C'est comme les grosses têtes, mais avec des petits bits. C'est tout de suite. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Pouvez répéter la question. Les gros bits. Excellente réponse. Oh. Et il rit. Ah, il aime. Hein. Il adore. Se régale. Mais pas... je suis tellement le meilleur public. Est-ce qu'on peut pas leur mettre un jingle juste pour le voir rire ? Ah, vas-y, on le met. Ça marche. En plus, vous allez me regarder, donc ça va forcément marcher. Ça va remarcher. Allez. Attention, c'est parti. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Pouvez répéter la question ? Les gros bits. Si je pouvais faire un zoom sur son visage. Tu peux le faire 20 fois, ça marchera. Génial. 20 fois. Génial. Alors, les gros bits. J'avais beaucoup de choix ce mois-ci. Alors au début, je voulais faire un quiz avec les jeux qui étaient en lien avec Jacques Chirac, puisqu'il est mort. Tu peux les réponses. J'en ai trouvé que deux. Oui, il y en avait un sur Amstrad, je crois. C'est le seul. Alors trois, du coup. Il y en avait un où tu devais être libéré, ça s'appelait genre Mission Président. Ouais, c'était la SWAT team qui devait aller libérer Jacques Chirac. C'était sur quoi, ça je crois que le joueur du grenier a fait un truc. Parle, ouais. Et il était évidemment dans Les Guignols de l'Info, le jeu, et Les Guignols de l'Info, le deuxième. Et bon, qui sont géniaux. On vous invite à regarder évidemment les tests sur GameTrip.net. Et il y a un jeu croqué sur Amstrad, on regardera pour le mettre sur GameTrip, voir s'il n'y est pas déjà. Et du coup, il y avait ça, il y avait un quiz sur Xavier Dupont de Ligonnès, mais il y a peu de jeux sur lui finalement, hein, on le dit pas assez. Si, il y avait Hitman. Ou Construction Simulator, si tu dois faire une terrasse. Tropico. Voilà. Alors du coup, je me suis dit qu'avec le raid de la zone 51, donc on sait hein, pourquoi maintenant ils portent le numéro du Pastaga, vu les mecs cramés qui ont couru près des barrières de sécurité. En Naruto Run. Voilà, on était parti donc sur un quiz Alien plutôt. Alors évidemment, nouvelle année, nouvel enjeu, nouveau jeu. On rappelle que l'équipe perdante paye sa tournée à la fin de l'année, donc comme dans le Burger Quiz, c'est Ketchup et Mayo chez eux. Ici, c'est Samurai et Dallas, on rappelle le nom des équipes. Alors Samurai, c'est Jay et Jack, il me semble. Ah du coup on est genre comme ça pour toute l'année maintenant. Ouais j'aurais pu laisser vous avez envie de changer d'équipe. Ah non on se met le droit. On aurait pu laisser un Joker quand même pour un Joker pour Yako quand même. Je joue avec Yako. Un Joker. Tu joues avec Yako toi. Tu fais un coup de main. Et donc Dallas c'est l'équipe de Yako. C'est moi-même. Je suis une équipe. Non mais ça veut dire que si jamais Ben revient ou d'autres chroniqueurs arrivent un jour, ils viendront directement avec Yako. Et ben voilà. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. Tu es d'une équipe. Peut-être quelqu'un en ligne d'ailleurs le mois prochain. Éventuellement. Ah, ça peut être sympa. Alors, il y avait 4-1 pour l'équipe Samurai de Jack et Jay. Ouais. On commence par deux questions QCM, une question pour chaque équipe. Ensuite, vous devez répondre juste, sinon le point va à l'équipe adverse. Et ensuite, il y aura des questions sans choix. Et puis, on terminera avec une citation comme dans les grosses têtes. À vous de trouver l'auteur. Parce que quand même, on est dans les gros bits. Donc forcément, je le vois. Je suis concentré là. Là, tu maîtrises. J'allais dire, il était pas là. Allez, je me rappelle du Bill Gates du mois dernier. C'était magnifique. Du premier coup, quasiment. On commence avec l'équipe perdante. On est beaux joueurs. Vas-y, c'est moi, je crois. Ouais. On peut aller à Fort Zancudo dans GTA V dans le désert. C'est l'équivalent de la zone 51, évidemment. On y croise même un ovni. Mais comment s'appelait la zone 51 dans le Grand Theft Auto San Andreas en 2004? C'est une question à choix multiples, évidemment. J'ai 4 choix pour toi. La zone 666, la zone 69, la zone 15 ou la banlieue 13? Je dirais la zone 15. Tu dirais la zone 15? Ouais. J'ai aucun souvenir de ça. J'aurais dit pareil. Eh bien, c'était la zone 69, évidemment, connaissant l'humour. Putain, c'est vrai. Malheureusement, c'est un point pour l'équipe adverse. Nous en sommes à 5-1. Ah, 5-1 bah, oui, ça tombe bien. Oui, 4-1. C'est pas mal. 5-1, non, mais 5-1, ah, 51. Oui, 51. 5-1, ouais, passe tes gaps. Balèze. Alors, les jeux Alien, de la licence Alien, mmh, ont un peu explosé après l'an 2000, mais il y en a eu des Wattmill, il y en a eu une quarantaine, je crois, depuis les années 80. Il y a aussi beaucoup de Alien mixés avec des featurings dedans. Parmi ces featurings... Predator, dis-moi que c'est avec Predator. Lequel n'existe pas. N'existe pas, donc les autres existent. Mmh. Alors, Mortal Kombat Alien, Alien versus Turok, Alien versus Pinball, Alien versus Predator. Donc Alien Predator on enlève, Turok ça me dit quelque chose. Mortal Kombat, Turok, Pinball et Predator. Mortal Kombat qui suis un gros collectionneur Mortal Kombat, j'ai jamais entendu parler. Mais après c'est pas exclu que ça soit sorti quelque part. Mais moi je partirais sur Mortal Kombat. Bah vas-y, moi j'en ai... Pourquoi ils ont des questions faciles eux? Parce que Alien Pinball à mon avis c'est un truc qui a forcément dû sortir. Ouais ouais. Non bah Mortal Kombat ouais. Mortal Kombat, tu t'es dit quoi? Pourquoi et quoi? Ils ont des questions faciles. Pourquoi c'était quoi toi, selon toi la réponse? C'est Turok. Alien versus Turok n'existait pas. Ouais. Bah ils ont faux de toute façon. Donc mais tu gagnes le point. Ah merde. Mais non, mais Turok, tu donnes une question facile, facile. Mais ils savent pas y répondre. Mais moi je le sais. Bah nous le zone 69. Mortal Kombat Alien. Il y a eu Mortal Kombat. Il y a eu Street Fighter je crois aussi. En fait c'est des genres de DLC qui ont changé un peu le jeu. Et t'avais des personnages Predator et Alien. Donc Mortal Kombat Alien c'est juste un personnage en plus. Non mais il s'appelle vraiment Mortal Kombat 2. Alien. Ah ouais. Bon, écoute, on est nuls tous les deux. Hein. Alien versus Predator existe évidemment. Ouais, avec le Turok, Alien versus sûr, Pinball quoi. Existe évidemment. Ouais. Et Alien versus Turok n'existe pas. Nous en sommes à 5-2. C'est pas si mal. Tant qu'on maintient l'écart, on est bon. Hein. Je suis toujours là. Alors, si vous suivez un peu Game Trip, justement, je me suis dit que t'allais râler. C'est marrant parce qu'en écrivant, je me suis dit qu'il allait râler, que c'était trop facile pour les autres, machin et tout. Balèze. Du coup, regarde la question. Si vous suivez un peu Game Trip, on en a même parlé dans une émission, ça va être facile. Quelle est la particularité du jeu E.T. l'extraterrestre d'Atari sorti en 82? Alors c'est genre l'anecdote la plus connue. Attends, la particularité du jeu ou la particularité... Vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux, ça passera. Mais il a été enterré dans le désert. Oui. Un échec qui a fait débuter le crash de 83. Et c'était pour de vrai en plus. Les stocks ont été enterrés dans une décharge au Nouveau-Mexique et ils l'ont retrouvé il n'y a pas si longtemps. Ils avaient enterré. Échec supposé. Parce qu'il y a échec aussi, supposé, c'est pas. Il y a beaucoup d'autres jeux qui ont été enterrés aussi, qui étaient aussi des grosses daubes. Hein. Bien sûr. Donc il n'y avait pas que ce jeu-là qui a été enterré dans le désert. C'est le côté licence qui fait un peu le folklore. Après, il y a eu tout un mythe autour de ça parce que c'était dans le Nouveau-Mexique, etc. Mais en fait, ils l'ont enterré parce que c'était une décharge. Ils pouvaient profiter des. Mais ça coûtait moins des cher. Des subprimes d'un truc. Oui, c'est ça. Il y avait moins cher de l'enterrer que de faire je sais plus quoi. Coûte le bête au pilon, quoi. Voilà, c'était un truc. Voilà. Donc après, il y a eu toute une histoire autour de ça. Mais tu as bien joué. 5. J'ai dit quoi ? 5-3. 5-3. 5-3. Ouais ! Allez, maintenant c'est à l'équipe Dallas. Qui a été l'acteur de E.T. Mimimati ou alors comment s'appelle le troisième et dernier niveau de Tony Hawk's premier du nom en 99 où on doit rider dans la zone 51? Allez, je vous donne le droit à deux propositions. C'est un lien évidemment avec la zone 51, Alien. Ah, je crois je l'ai, mais. Le troisième niveau, tu dis? Le dernier, ouais, troisième niveau donc de Tony Hawk 1 qui est derrière vous. Donc Tony Hawk 1 ou Tony Hawk 3? On peut regarder. Non. Attends, ça ah oui, tu l'as sorti. C'est le 2, ça. Non, mais c'était pas celui-là. C'est doit être. Comment il s'appelle le nom de l'extraterrestre là? Roswell. Ah, c'est peut-être un truc du genre. Roswell Park, un truc comme ça? Roswell. Ah oh, putain! Ouais, il est fort. Il est fort. 6-3. 6-3. Ouais, ça, c'est balèze, hein, vraiment. 6-3, 6-4, 6-0. Je suis perplexe. 6-3. Attention. Je suis troublé. C'était, voilà. C'est ça le truc. Attention. Et elle vaut 2 points celle-là, non? Non, elle vaut 4 points. Bon, voilà. N'importe ah, quoi. Ah, ce cheat code. C'est la citation. Et tu râles en plus. Non, mais vas-y, je redis. C'est la citation, c'est ça? Bon, qu'elle vaut 2 points alors. Ça va être. Quel était le nom? Vas-y, 4, allez, je m'en fous. Quel était le nom du Copa Giaco qui jouait à Le Mans? Allez, je suis pas mauvais perdant. Je suis mauvais gagnant, vous l'avez oublié. Allez, 3 points. Elle vaut 3 points. Vas-y. Ça pourrait être une égalité. Fais comme chez toi. La réponse dessus, je peux regarder? Y'a pas la réponse. Ah ouais. Alors, du coup, je sais pas qui c'est parce qu'il y a pas la réponse. Ouais. Alors, il y a 6-3, attention, c'est une citation, vous pouvez poser les questions que vous voulez, hein, si vous bite. Voulez. Un peu comme dans un peu comme ma bite. Un peu comme les grosses têtes. Un peu comme ma bite. Évidemment, c'est un lien avec les aliens. Donc, question pour Madame Lanvie de Béziers, qui a dit. Parce que belle-père de Loche, on l'utilise trop souvent. Oui, non, mais c'est bien. Qui a dit pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes? Il y en a bien à Châteauroux. Alexandre Astier? Non. Ah bah non, c'est Jacques Chirac. Est-ce que c'est un... est-ce que c'est un scientifique? Non. Attends, redis la phrase. C'est un politique? Redis la phrase. Non plus. Pourquoi y aurait-il pas de vie sur les autres planètes? Il y en a bien à Châteauroux. Giroud. Non. C'est un. C'est un comic, ça. C'est un comic. C'est une comic. Un comic. C'est un comic. Bigard. Non. Est-ce qu'il a joué dans un film avec un camping? Est-ce que c'est pas Haroun? Je regarde pas les films français. Dubosc. Non. C'est pas Haroun? Non. Non. Plus vieux. Plus vieux. Haroun Taziev. Plus jeune. Alors attends. Plus jeune qu'Haroun Taziev. C'est un vieux comique. C'est quand même un de la nouvelle génération. Non. Des proches. C'est un de l'ancienne génération. Coluche. De la génération entre les deux. La génération entre les deux. Eli Kaku. Oh, non. Laurent Gérard. Il est de couleur. Non, comique. Il est pas de couleur et d'ailleurs il est. Elie Semoun. Non. Danny Boone. Non. Alors attends, on a fait le tour là. Roland McDan. Attends, redis. C'est aussi drôle. Redis la phrase. Popek. dans la vieille génération. Ah oui, on est dans la génération peut-être pas aussi vieille, mais on n'est pas loin. Pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes? Il y en a bien Bedos. À Châteauroux. Raymond DeVos. On s'approche. Raymond DeVos. Plutôt la génération de Bedos. Ouais. Bedos, il l'a dit. Attends, Voilà. J'avais dit à ma meuf que j'écoute plus Rire et Chanson. Bah voilà. Et voilà. Ah ouais, ça pourrait. Oui, c'est du passage sur Rire et Chanson. Est-ce que Castaldi il est considéré comme humoriste? Lequel? Benjamin Castaldi. Mais non, mais le vieux. Pierre Castaldi. Non plus, non. Non. Bah c'est pas lui déjà. C'est pas lui. Il aurait dit. Chevalier Las Palais. Pourquoi il y aurait pas non. de vie sur Il est tout seul. Il est pas deux. Il est vieux maintenant? Genre vieux. Ah, ou... il a une cinquantaine dans les 50. Ah, il est pas vieux quoi. Je sais, c'est pas Palmade? Non. Putain, c'était dans le créneau de Laurent Ruquier. Ah non. Il a fait des films? Il a fait des films. Patrick Timsit. Oui, bien joué. Bien vu. Putain, bravo. Ah oui, je me mets à Rire et Chanson. J'étais pas dessus du tout. 9, 3. Si. Non, mais c'est bon, demain je me mets à Rire et Chanson. Mais c'est trop bien en plus, Rire et Chanson. J'ai fait ça tout l'été. Hein. Toi, t'es vieux. Et attention, ça c'est cadeau. Si vous voulez éviter que l'Amérique centrale soit envahie par des masses d'extraterrestres et des caravanes, vous feriez mieux de voter pour nous. Trump. Voilà. Il avait pas de points là? Non, il y avait pas. Putain. Ah putain! Après, t'es bon! T'es bon quand il y a pas de points. Ah, il est con. Merde. Il est beau, mais il est con. J'ai envie de tuer. Il est con. Trump! Mais oui, c'est cuit! Pas fait exprès. Tu touchais ma bite, j'ai pas compris. Un peu comme ma bite. Arrête, il aime bien. Arrête, c'est incroyable. Bien bravo, 9-3, on se rappellera de ce score? 9-3, non, si, sûrement pas. On va passer au jingle tout venant, puisque c'est le moment de la chronique tout venant. Et là, je sais que tu n'es pas aux fraises, puisque tu sais à quoi ça sert. On garde ou on jette. Le tout venant de l'actu. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Attends, j'ai une marche arrière. C'est celui-là où on garde ou on jette. Donc, il a oublié ce qui s'est passé il y a 1h30. Il est au courant. Non, oui, non, c'est avec le balai. Non, d'accord. Voilà, c'était il y a 1h30. Ah, on a 10 minutes pour finir là. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, donc, je vous donne des énoncés. Du coup, si on garde ou on jette, et on développe. Du coup, si on garde, hein, tout simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est sur l'actu là. Si vous êtes pas d'accord, l'actu, oui, l'actu de maintenant. Ok. On va commencer avec Red Dead Redemption. J'avais déjà parlé tout à l'heure. Red Dead Redemption 2 qui est enfin annoncé sur PC. On garde ou on jette? On jette, ça veut dire on s'en bat les couilles. Oui, ça veut dire on va bah, on jette. J'ai pas la machine, on jette. t'as pas le PC? Moi j'ai un PC, mais j'ai pas le PC pour jouer à ça. Il faut un PC de malade pour ça? Ouais. Moi, le PC que j'ai acheté là il y a un an, je l'ai acheté en prévision de ce jeu. Ouais. Et il sera. Ultra? La config que j'ai, ce sera de l'ultra. Mais disons que je pourrais. Enfin, c'est le. Tu pourras pas jouer, tu pourras juste regarder le. Ouais, non, mais c'est le top quoi, c'est le top du truc. Et donc, ça fait déjà un an que je l'ai acheté, il est déjà presque. Donc moi je l'ai acheté pour StarCraft 2, mon PC, je vais autant mettre directement balèque quoi. Je pense que ça passe. Je pense que oui. Ok, bon. Donc, bah. Non, moi ça m'aurait intéressé, mais si tu me dis que ça marche pas chez moi. Moi j'ai pas la machine. Ouais, voilà. Il sortira le 5 novembre. Ouais, j'ai pas les configs encore parce que c'est des suppositions, je crois, pour l'instant. Par contre, je suis pas sûr qu'on te voit encore sur la caméra là. J'ai un doute. Fais voir péter les configs pour curiosité. Je sais pas. En tout cas, la config que j'ai là, c'était la config la plus haute qui existait il y a un an et c'était la config pour ce genre de jeu. D'accord. Donc, du coup, comme c'était il y a un an, je pense que là on est déjà sur des trucs. C'est quoi maintenant? Faut 32 Go en RAM pour être tranquille, non? Un bon 20 mégas, ça devrait suffire. En EDO, hein. J'ai une carte VGA dessus. Et je pense que ça passe. Une ATRH Pro? Une Voodoo? Une Voodoo. 3DFX? Tu sais que ça prend de la valeur, les Voodoo? 3DFX sont dû. Ah oui, ça, je me souviens. Les 3DFX, ça prend de la valeur. Ouais, hein. Je sais même pas ce que j'ai dedans. Du coup, Sartek. J'ai pas... un Ryzen 7700. T'as pas de 3DFX, quoi. La PS5 annoncée et dévoilée par Sony. Il y a eu la date. Oui, 2020, je crois. Fin 2020. Oui, fin 2020. On garde ou on jette? Après, moi j'ai zappé la 4, donc je dirais on garde quand même, histoire d'avoir peut-être la 3, acheter la 5 un jour. Moi je suis arrêté à la 3, mais ça m'intéresse toujours de savoir sur quoi ça joue, donc ouais, moi je suis chaud. Moi je me suis arrêté à aucune parce que je déteste Sony, mais je suis toujours curieux de voir ce que fait la concurrence. De toute façon, moi je pense que la révolution passera par le software, mais bon, bref, pourquoi pas. Ouais, moi je suis arrêté à la 2, alors c'est encore pire. C'était le bon moment pour Sony de présenter son nouvel opus, donc ce sera 2020. Aucune surprise, elle s'appelle la PS5. Seule vraie innovation, la manette qui, je cite, aura une réinvention de la vibration. Balèze. Grâce à la technologie haptique, on nous promet de ressentir un crash de bagnole, mais aussi de marcher dans l'herbe ou la boue. Tout ça, ce sera avec des petits capteurs comme ça qui va faire des sensations différentes dans tes petits doigts. Boudiné. Balek. Ah non, c'était pas ça. Et deuxième révolution, le L2 et le R2 auront une sorte de retour de force selon les jeux. Le R2D2 alors. Voilà. Okay. Par exemple, on pourra ressentir la... Oui, les gâchettes, on pourra ressentir la tension d'un arc par exemple. Oh. Voilà, cité parmi les specs, il y a des jeux sur disque de 100 gigas maintenant et un lecteur Blu-ray 4K et plein de trucs useless. Et puis surtout, Final Fantasy VII Remake va certainement être porté dessus. Ouais. Il y a des chances, ouais. Un trailer de lancement pour Call of Duty Modern Warfare. Balek. C'est pas Balek, mais on jette. Voilà, on va sortir le 25 octobre sur PS4, et moi, on me demande pas. Et PC, tu Balek ? Non, parce que... Ah. Oh là là. Non, parce que j'ai envie de vous contredire, t'as vu. Ouais. Moi, j'adore Modern Warfare. Non, mais de toute façon, je connais les dates, t'inquiète. C'est tellement mieux qu'un C'est un jeu qui reboot l'arc de Infinity Ward, c'est pour ça qu'il reprend son nom original. Okay. Un trailer avec du Metallica derrière. Ah, bah là, un beau trailer. Le mec qui est donc actuellement en cure de désintox, alors, le chanteur. Ouais. Avec Xavier. Ouais. Parce que du coup, c'est parce qu'il a trop joué à Modern Warfare. Sûrement. Non, c'est pour l'alcool, je crois. Pour alors supporter ce genre de jeu, faut être sous. Mais vous voyez peut-être le truc à côté, mais vous ne l'entendez pas, puisque sinon on va se faire démonétiser. Mais en tout cas, il y a une super musique. Regardez. Et d'ailleurs, un trailer qui a abandonné toute envie de surprendre. Hein, donc, ah bon ? Comme d'habitude. FIFA 20 qui a été démoli, arraché dès sa sortie. Ah ouais ? Bah ça tombe bien, le 19 était à 5€ en par solde. Par qui ? Du coup, c'est où que t'as regardé tout le monde. Tout le monde a chié dessus. Voilà, non, même les footballeurs. Bon, apparemment, ça vous intéresse. Après, donc... t'appelles quoi démoli ? C'est genre en dessous. 13% d'opinions favorables à sa sortie sur Metacritic. En sachant que l'an dernier, FIFA 18, c'était... Non, l'an dernier, FIFA 19, c'était 17%. C'était déjà une belle merde. Et FIFA 18, c'était 34%. Globalement, le titre déçoit. Volta, le nouveau mode, n'apporte absolument rien. Il n'y a pas vraiment de nouveauté. La mise à jour des équipes a été faite par les serveurs EA seulement le 2 octobre, donc 2 semaines après. Il restait plein de bugs encore ouais. Maintenant, il y en a. Et il est désormais, j'ai regardé hier, il est désormais à 4% d'opinion favorable. C'est beau. Voilà. Donc, pour les critiques presse, on est sur un petit 7 sur 10 de moyenne. Et le jeu concurrent, évidemment, PES, qui cette année s'appelle eFootball Pro Evolution Soccer 2020, il est plutôt dans les 8 sur 10. Mais tu vois, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est la différence entre justement le 7 sur 10 de moyenne, ce qui est 14, c'est pas trop mal, dégueu, bah ouais. Et le 16. Non, mais là, on est sur des critiques presse. Oui, mais c'est je parle pas des critiques. Critiques joueurs, quoi. Les critiques joueurs, ils sont vachement plus qu'à 4%. Hein. Je crois qu'ils sont dans les peut-être 20, 30, 40, je sais pas, mais. Ouais. Les critiques presse, je t'apprendrai rien en te disant que la moitié de la presse a reçu le jeu avec un petit coffret en disant. Bah, t'as un press kit, bien sûr. Non, mais ça empêche pas d'être objectif, mais effectivement. Si, ça empêche un peu. C'est compliqué de mettre 5 sur 20, on est d'accord. Tu mettras pas 5 sur 20 à un jeu, quoi. Ben, franchement, hein, moi j'ai testé les FIFA de FIFA 2010 à de FIFA 2009 à FIFA 2016. Je les ai testés pour les différents sites où j'ai travaillé. Il y a bien un ou deux FIFA où j'ai dû lui mettre 5,5, 6. Parce que ça valait pas plus, oui, parce que ça valait pas plus. La question que je me pose, c'est surtout le nombre de mecs qui achètent par rapport à la note, quoi. C'est-à-dire, apparemment, la note, en fait, tout le monde s'en branle. Non, mais tout le monde achète. Mais c'est parce que FIFA, tout le monde achète FIFA parce que c'est FIFA. Les notes Metacritic, c'est des notes des joueurs qui ont testé le jeu, justement, pour contrebalancer un petit peu avec les notes presse. C'est un peu dithyrambique, quoi. Voilà, pas forcément, parce que quand même, une moyenne de 7, c'est pas. Oui, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou non plus, hein. On a vu beaucoup mieux sur certains jeux. Bah, il faudrait que j'y rejoue à FIFA, ça fait un Football Manager, par exemple, je me rappelle du Football Manager, je crois que c'était 2014. Il était sorti avec une moyenne de 89%, ou tu vois, donc c'est pratiquement du 9 sur 10 de moyenne par la presse. Donc tu vois, on est quand même sur des ratios qui sont pas pareils. J'aimais bien les FIFA où tu pouvais mettre du 10-2 ou un truc du genre. Mais là, si c'est trop simulation, ça va me faire chier. Non, c'est pour le coup, c'est encore une fois cette année bien arcade par rapport à PES qui est un peu plus simulation. Mais on n'est pas sur l'époque des 10-2. Ça, 98. Non. Un reboot du film Assassin's Creed. Ils ont fait un film ? Ils en avaient fait un avec Michael Fassbender. Fassbender. Ah, Fassbender. Avec Magneto. Avec Magneto. Magneto. Ouais. Nouveau Magneto. Le jeune Magneto, ouais. Bah, je sais pas ce que valait le film. Pour moi, on peut jeter. C'était de la merde. Non, on peut jeter aussi. Je l'ai pas vu, je pense qu'ils ont pris le scénar et ils ont dit oh, on s'en fout, on va écrire autre chose. Ah, du temps, on va se torcher le cul avec. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça va sortir sur le Netflix du pauvre Disney+, histoire de vite fait mettre sous le tapis et pas de sortir en salle, sans doute. Ouais, oui. C'est pas dit, hein. Je suppose que ça sortira quand même en salle. Mais comme c'est Disney qui a racheté la licence, peut-être qu'ils vont essayer de faire un truc un peu plus. Oh non, on parle quand même là. Non, non, j'explique. Tu vas galérer avec ton micro si tu fais ça, tu vois. Un peu. Ouais. Et après, t'auras pas forcément le même son un tout peu le temps. Si, j'ai un limiteur qui marche très bien. Ah. Ancestors Humankind Odyssey. C'est un jeu de survie très original où on joue à toutes les étapes de l'humanité. C'est un espèce de. C'est civilisation, quoi. C'est pas civilisation. Empire. Non, c'est pas un civilisation. C'est comme Little Computer People sur C64. Il faut pas confondre avec justement Humankind qui est sorti par Amplitude, c'est des Français avec qui on avait des très bons contacts à l'époque. Ramène le jeu si tu veux. Et c'est l'Amplitude. Non, Humankind, là, c'est pour le coup, c'est un espèce de civilisation où on joue un petit peu toutes les civilisations. C'est une civilisation. Oui, bah c'est pas celui-là. Et ça vaut plus de points, hein, Mika, désolé. Ancestors Humankind Odyssey, c'est plutôt un. C'est pas un FPS, c'est un jeu où tu joues avec les grands singes dans l'Afrique sur une période de 10 millions d'années et c'est plutôt un jeu de où mobile. Tu dois gagner des points, c'est pas du RPG, c'est un peu stratégie tacticale où tu dois gagner des points pour faire évoluer ton espèce, pour faire des mutations, pour essayer de sport, survivre quoi. En fait. Ouais, plutôt ouais. Et c'est créé par le papa de la licence Assassin's Creed, Patrice Désilet. Un mec de Ubisoft. Et donc voilà, c'est un jeu qui est sorti fin août. Stratégie ? Ouais, stratégie, vachement stratégie. C'est sorti fin août ? C'est sorti fin août. Alors je sais pas, c'est fin peut-être août sorti 2015. En. Ah. Non, ça vient de sortir, mais c'est peut-être sorti seulement en accès anticipé pour l'instant. Ah ouais. Ah bah heureusement que Game Trip FM est là pour m'informer de jeux de stratégie. Mais il nous donne pas les bonnes infos. Ah oui. Non, j'en sais rien. Pour rajouter quelque chose ? Voilà, le but c'est d'évoluer, d'assurer sa descendance et justement pouvoir survivre. En faisant des bons choix sur la mutation génétique. Enfin, c'est paradoxal, t'as des mecs qui n'assurent pas leur descendance et puis ils vont jouer à des jeux vidéo pour assurer leur descendance. C'est un mélange entre sport, Plague Inc. et. C'est quoi ? Mais c'est vraiment, c'est un jeu de survie en fait, c'est un survival. Un peu. Voilà. À l'échelle de l'humanité quoi. Ouais. Dying Light, Rust, machin. Plague Inc. à l'envers alors. Je connais pas tes jeux portables. C'est pas un jeu. Ah merde. Ça fait un jeu portable. Bon, il y a eu un partage, mais. Mais on avait pas dit qu'on jetait. Un peu comme ma bite. Tu connais pas le jeu Plague machin, la Plague Inc. Ou je sais pas quoi. C'est le son. Ça s'appelle le jeu où tu as une maladie. La peste quoi. Ah Plague Inc. Ah Plague Incorporated. T'es pas mal celui-là. Mais ouais. Mais non, mais tu colles tous les mots ensemble. Plague Inc. Incorporated. Ouais, ouais, mais c'est pas l'envers. Mais c'est pas un jeu mobile quoi. Si si. Plague Inc. C'est pas un jeu mobile. Ah, il y a eu un partage. C'est un jeu mobile. C'est pas un jeu mobile. C'est un jeu sur navigateur. C'est pas pareil. Ah. Mais j'ai sur mobile parce que j'étais au camping et j'avais que ça à jouer. Vraiment, c'est genre une map avec. Ouais ouais. Alors. Non mais. Tu pourrais le mettre. Bon, vas-y, c'est bon. Ce serait trop lourd pour un téléphone portable. Vas-y, t'as un souris. Mais je l'ai vu sur mobile. C'est quoi ce partage ? Attends, moi je l'ai acheté. Ce serait même pourri sur téléphone portable. Attends, tellement c'est encore plus pourri qu'un téléphone portable. Attends, je le lance pendant que tu fais la suite du truc. Parce que... Alors, Peggy lance une application pour informer les consommateurs. Pas Peggy la cochonne. Hein, le... Oh là là, c'est beau. Tu cherches quoi là ? Bah, Plague Inc. Ça vous intéresse ou pas ? Ok, bon. Bah, tu vois, regarde, il joue aussi sur téléphone portable. Ouais, bien sûr. Bah, oui, parce que c'est sur portable à la base. Sur PC. Mmh. Ça ne sert à rien, personne ne le voit et moi je m'en fous. Plague Inc. est un bon jeu. Tout le monde s'en branle, moi voilà. Le premier. Plague Inc. Voilà. est un bon jeu. Non, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Wankill Studio, la vidéo Plague Inc. où ils jouent Baba et Delormeau, les deux virus. Je vous la conseille. Voilà. Je vous conseille. Tu joues des virus et tu dois infester le plus de monde possible. Avec Plague. Très bon jeu. Donc Peggy lance une appli pour informer les consommateurs, on s'en bat les couilles, vu que vous en parlez. Ouais, on s'en fout. Ouais. Personne ne lit les personnes qui doivent lire les Peggy sont les parents. Et les parents ne lisent pas les deux. De toute façon, exactement. On s'en fout. Star Wars Jedi Fallen Order, nouveau trailer et les configurations PC qui ont été annoncées. Ouais, apparemment, il pique grave niveau. Ah bah oui. À la machine. Je suis déjà presque à la ramasse. Ouais, ouais. Je ouais. suis sur la configuration Reco. Ouais, je suis sur la Reco, donc pas la High. Hein. Ouais. Bon, Windows 7, 8, 10. Un AMD Ryzen 7700. Ou un Core i7 6700, 16 Go de RAM, une GTX 1070 ou équivalent en carte graphique. C'est la recommandée, ça. C'est la recommandée. Ouais, ouais. Et 55 Go d'espace disque, le tout donc qui était associé à une petite bande annonce. Alors, je sais pas, moi j'ai jamais joué à tous les jeux de cette saga, encore moins au dernier qui était Battlefront 2, mais ça y ressemble. vraiment à mort. Donc quelle est l'originalité du truc, j'en sais rien, mais en tout cas ça a été annoncé. Et graphiquement ça ressemble à un bon jeu de 2017. Il faut cette config. Ah bon, il lance des trucs tout seul. Bah, tu mets la feuille dessus. Il faut cette config pour un jeu de 2017. Battlefront, c'était pas un jeu de stratégie ça? Non, c'est FPS, un bon. TPS, ouais, TPS, Canal Satellite. C'est quoi TPS encore? Third Person Shooter. Ah. C'est un FPS mais de dehors. FPS mais de au-dessus. Ah d'accord, ok. Bah, et merci les mecs, je vais apprendre quelque chose. C'est pas vrai. Ah j'aime pas, je préfère les FPS. Donc FPS Max Payne 1, TPS Max Payne 2. Et Max Payne 3. Voilà. Amen. Sortira le 15 novembre sur PC, PS4 et One. Je me suis arrêté à Night of the Republic. Ouais, à Kotor. Kotor. Voilà. Je me suis arrêté là. Mais ouais, pareil je crois. Shenmue 3. Les backers ont reçu un accès démo au jeu qui est attendu depuis 2015. Ah, quand même. Pas au même heure devant 2015 pour les fans de Shenmue, c'était oui, 2003. Bah... Ouais, depuis la fin de la période Dreamcast. Quoi. Mmh. Moi, je suis 2001. Sûr qu'on en parle, hein, parce que Shenmue, c'était... Ah ouais, alors, j'ai joué à fond à Shenmue à l'époque, alors que je n'avais pas de Dreamcast. D'ailleurs, Choco, si tu nous écoutes... T'as encore pas de Dreamcast. Non, j'avais... Alors, ça avait fait un échange de consoles, je lui avais prêté ma PlayStation 1, pour... et lui m'avait prêté sa Dreamcast. Bon échange. Pourquoi? Parce qu'il voulait jouer à Gran Turismo 2, qui n'était donc pas disponible. Et moi, je voulais jouer à Shenmue et Sonic Adventure. Exclu aussi. Donc Shenmue, voilà, j'ai une frustration déjà parce que j'ai jamais eu la suite, mais en plus parce que j'ai jamais pu rejouer quand je voulais, j'avais une deadline quoi, il fallait que je joue vite et que j'ai fait que le premier en plus. Donc ouais, Shenmue 3, j'aimerais quand même bien. Et ben sache que si tu avais backé le jeu à hauteur de 100$, t'aurais le droit à un accès démo. Putain. Mais je crois qu'il est dégueu. Alors oui, alors il sortira le 19 novembre sur PS4, PC. Donc. Elle est annoncée quand même. Oui, non, mais il va quasiment sortir. Hein. Et pourtant, ceux qui ont testé là, ils disent que du coup, on annonce un jeu pas fluide, pas très joli, avec une technique qui veut ressembler volontairement aux anciens, mais qui maîtrise pas, donc c'est dépassé. Ah ouais. Et le but en fait ce serait vraiment genre de clore la saga et de faire genre bon allez c'est bon maintenant on n'en parle plus, c'est fini. Mais bon ça veut dire qu'il faut quand même 100 balles déjà pour avoir accès à la démo donc les mecs... Bah tu sais le Zelda là sur Switch il lag à mort aussi hein, donc tu sais les mecs... Ouais. C'est pas un remake là, c'est un nouveau... Ouais ouais, il s'accade vraiment. Ouais. Après c'est des mecs qui l'ont... Enfin c'est un Kickstarter donc du coup c'est pas... Enfin non, je crois que c'est quand même c'est Koei qui est derrière ça dans Tecmo. Aucune idée. Tecmo je crois bien. Ouais, c'est... J'en ai entendu parler. Je crois qu'ils sont quand même derrière donc bon les gars... et puis on termine peut-être par le Resident Evil Killer du moment, c'est Project Resistance. Tu m'intrigues. On en parle. Un survival horror récemment annoncé. Dis-moi plus. Bêta était jouable la semaine dernière. Le jeu va sortir sur PC, PS4 et One aussi. C'est un gameplay asymétrique, comme on aime. Alors c'est une troupe de 4 personnes, les teenagers survivants qui errent dans des couloirs, dans un... À manger des cookies et à jouer à... Voilà. D'accord. Et il y a un maître des jeux qui, lui, doit placer les zombies, les pièges et les événements sur le chemin, qui, d'accord, lui, voit à une vue d'ensemble de la map, en fait. Un peu comme, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu, où tu joues un serial... Je crois que c'est Vendredi 13, le jeu. Ça me dit rien. Tu joues un serial killer, en fait, et t'as 4 gars qui sont dans la forêt qui doivent... Tu dois les courser. Et tu dois les courser. Ah oui. C'est pas Vendredi 13, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vois l'idée, ouais. Ouais, mais enfin, voilà. C'est un machin, c'est pas ça? Non, je sais pas. Non, je sais plus. C'est un jeu asymétrique en tout cas. Je crois que c'était Vendredi 13, non? C'était pas le truc de Jason? Il y avait aussi Vendredi 13, mais il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, du coup, c'est un peu la même chose avec le bestiaire de Resident Evil, parce qu'en fait, c'est un spin-off de Resident Evil pour le coup. C'est Capcom qui gère le truc. Après, le bestiaire, à part les zombies et les cabots, le liqueur. Les liqueurs, ouais, il y a les liqueurs et tout ouais, ça. Ouais, ouais. La musique du liqueur, quoi. Tout ça, quoi. Ça y est, le truc est parti en couille. Allez, on balance tout. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas, ça va être online ou quoi? Ouais, bah oui, c'est forcément online. Ouais, le maître du jeu, voilà, c'est un mec online quoi. Donc tu peux jouer avec tes copains et il y en a 4 qui essayent de survivre et il y en a un qui fait le gros vicieux. Qui fait le gros beat. Le gros beat. Bah c'est un peu comme Zombie U du coup. Il y a un délire comme ça. Ah, il y a un jeu de zombies sur une console Nintendo. Ouais, sur Wii U. Mais c'est des zombies gentils avec. Pardon ? C'est un truc des zombies mi. Bah, symétrique, je sais pas, mais t'avais un type qui balançait des zombies et l'autre qui devait survivre. Ouais, mais c'était pas des zombies quoi, c'était des zombies avec des nez rouges, des trucs comme ça. Hein. Vous êtes sur la Wii, non, moi alors, je l'avais testé à l'époque à la Paris Games Week, j'ai jamais plus jamais joué après à Zombie U. Zombie avec un uniforme de plombier, non ? Allez tous vous faire foutre ! Avec pas fleur à la place de la tête et un petit. C'était pas mal, mais bon, tu sais, je sais pas si t'as déjà testé des jeux à la Paris Games Week quoi, c'est. Oui, mais moi j'étais en accès presse donc. Mais moi aussi, et j'ai duré 15 minutes. C'est le bordel. Non, alors le jeu était pas mal, déjà parce qu'il coûtait 10 balles quand 6 mois après. Et en fait, ouais, donc t'avais un mode 2 joueurs où t'en avais un qui avait la manette et qui balançait des zombies comme ça à l'arrache. Et t'avais l'autre qui devait survivre. C'est le principe des gameplays asymétriques. Alors je sais plus trop comment ça marchait parce que j'ai jamais joué à deux, mais voilà, c'était oui, bon, c'est peut-être ça le gameplay symétrique. Voilà, t'avais un mec qui foutait la zone et un mec qui était sur. En fait, c'est deux personnes qui. Bah, ça a été popularisé par la suite du coup et par la Wii U surtout, parce qu'il y avait les deux écrans et que chacun voyait un truc et faisait un truc dans le jeu. Tu vois. D'accord. Et là, bon, voilà, ça sortira sur PC, PS4 et One. Et là, je l'ai pas mis dedans parce que je l'ai vu juste avant d'enregistrer cette émission. Depuis deux semaines, il y a Level One qui a repris sur Game One avec Marcus. Et l'autre là, comment il s'appelle? Johan non. Julien. Julien Telouk. Ouais. Ok, bah je regarderai pas du coup. non, moi pour moi la meilleure époque c'était l'époque Johan et Yannick Zico, RIP, qui est mort depuis. Ah zut. Et Johan. Quel âge il avait l'homme? Hein? Quel âge il avait l'animal? Je sais pas, 39, un truc comme ça. Ah ouais. Il est mort d'un cancer il y a 6 ans maintenant. Ils sont la main glacée de la mort sur mon épaule. Non mais c'était. C'est la main de JV. Voilà. Non, la mais main c'était un peu. Non, mais c'était, pour moi, c'était la meilleure époque, cette époque-là. Après, il y a eu Gérard Bass qui est venu des Winkles, donc c'était n'importe quoi, et c'était génial. C'était rigolo, ouais. Mais voilà, première époque. Alors, je suis un des rares, je digresse complètement, mais je suis un des rares à n'avoir aucun sentiment de nostalgie en entendant. On ne voit plus du tout dans la caméra depuis au moins une demi-heure, je pense. En entendant parler de Marcus, en fait. Pour moi, Marcus n'évoque absolument rien. On peut dire Balek ou. Ouais, non, mais clairement. Pour moi, Marcus ne fait pas partie de ma jeunesse. Ouais, de ton imaginaire rétro gaming. Jeunesse, non. Moi, jeunesse. Ni adolescence, non, mais plus tard. Non, mais même ni adolescence, je suis d'accord. Mais plus tard, ouais, j'ai kiffé Level 1. Level 1, pour moi, c'est Johan, quoi. C'est pas Marcus. Non, on a l'impression qu'il a fait 6 mois. Hein. On a l'impression qu'il a popé beaucoup plus tard par rapport aux gens, tu sais, genre Moulinex, Lord Casque Noir, tous ces noms-là. Ouais, mais après, eux, c'est vraiment pour la presse. Jean-Marc Demoli, tu vois. Ouais, ouais. Eux me rappellent vraiment des souvenirs. Mais c'est vrai que Marcus, après, alors je crois qu'il était pas chez Tilt à un moment, lui. Il a commencé là-bas. Avant de faire Level 1, il était dans le jeu vidéo la presse, ouais. Non, je sais pas. C'est... Après, ça a l'air d'être un type sympa, moi. Non, mais je dis pas qu'il est pas sympa, mais moi, il ne m'évoque rien. C'était Retro Marcus, c'est ça l'émission qu'il avait ? Retro Marcus, ouais, mais c'est bien après, ça, ouais. Ouais, mais moi, voilà, c'est pour ça que je te dis que c'était pas mon adolescence. Ah, mais moi, Marcus, c'était plus Retro Marcus. Non, moi, ça. C'est quand on avait 25 ouais, c'est l'année dernière. C'était il y a 10 ans. Ah, c'était il y a 10 ans, 25 ans, mon gars. Ta gueule. Fais des maths. Non, mais ouais, c'est. Voilà, c'est... donc ouais, voilà, ouais. Ça a repris. On a dépassé avec lui. De combien là ? Ça a repris avec lui, du coup. Et voilà, je vous le signalais parce que Level 1, ça a été des bons moments, malgré tout, de notre jeunesse, justement, avec ou sans lui. Et bah, je regarde. Si Game 1 existait encore, parce que ça passe sur Game 1, mais apparemment, il n'y a que des CSP plus qui doivent avoir Game 1, parce que je savais même pas Game que Game 1, ouais, je croyais que ça avait fermé comme nos life, ouais. Non, mais ça existe sans doute toujours sur le satellite. Dans le pack avec genre ES1, les trucs comme ça. Ouais, voilà, des trucs comme ça, donc je ne sais pas. Mais visiblement, ça existe toujours. Et du coup, Level 1 a repris là, il y a deux semaines. Donc voilà, c'est cool quand même. Toute nouvelle pour le rétro gaming est bonne à prendre. Exactement, même si on n'aime pas trop les personnes. Comme nous, on t'aime pas bien, mais bon, on est là. Ouais, voilà. Mais je l'aime bien, Marc, en plus. Moi, je l'ai déjà rencontré en plus. Mais pareil. Il est dans un Tout le monde s'en fout. Voilà, c'est vrai. Ouais. Avec le lien. Et il dit tout le monde s'en fout. Il est venu ou c'est. Non, j'étais à la Paris Games Week, il était là. Je lui ai dit, tu veux? Il m'a dit ouais. Et... Marc Lacombe, si tu nous regardes. Et il l'a fait. Et c'était super sympathique. Retrouvez le lien donc sous la vidéo. Et évidemment, je dis ça en tout bien tout honneur. Je t'adore quand même. On rappelle rapidement justement. On parle des liens en dessous. On rappelle peut-être votre actu rapidement. Jack, un concert, un site internet, une page YouTube à recommander, quelque chose. Actuellement non. Donc il n'y a pas beaucoup d'actualité. C'est-à-dire on travaille sur le prochain set. Alors on a essayé de travailler un petit peu sur Final Fantasy VII avant que le jeu sorte. Et donc voilà. Je crois qu'il est déjà sorti Final Fantasy. Je veux pas m'avancer. Ouais. Je pense qu'il est déjà sorti. Non, ma prochaine actualité c'est des chants de Noël, donc ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo. Ok. C'est bien aussi. Bah Jay, on te retrouve sur. Webedia. Millennium.org. Ouais, maintenant, surtout la grosse actu, c'est la BlizzCon dans deux semaines et des brouettes. C'est où ça ? Tu parleras pas de. À Anaheim. À Los Angeles. Tu parleras pas des Chinois, hein ? Est-ce que éventuellement on t'aura en direct de là-bas ou tu seras dans une piscine ou c'est dans deux semaines. C'est vrai qu'on fait plus toutes les semaines. Non, il y aura pas de duplex du coup. Non, parce que là, du coup, je serai pas du tout à San Francisco. Après, là, on y va juste 3 jours pour le taf, quoi. Ok. Donc, il y a des quand même pires. Hein. Moi, le plus loin que j'ai fait pour le taf, moi, c'était Brier. Hein, donc, comme moi. Non, on est d'accord qu'il y a pire. Hein. Je me plains pas du tout. Loin de là. Il va se plaindre en plus. Voilà, j'ai taffé à Los Angeles. Tu comprends ça un peu chiant. Yako, ta chaîne YouTube qui s'appelle Tout le monde s'en fout et non pas Et tout le monde s'en fout. Et non pas qui Et tout le monde s'en fout. Qui t'a piqué le concept et le nom quelques dizaines d'années après. Pas vraiment piqué le concept, mais c'est très proche quand même. Ouais. Et le nom, ouais, bon voilà. Après, honnêtement, je vais pas m'en plaindre parce que j'ai quand même des gens qui viennent régulièrement sur ma chaîne parce qu'ils pensaient être sur l'autre. Oui, tu profites en fait. Ils se rendent compte que c'est pas lui et j'ai des messages sympas. Et donc... du coup, ils te mettent un dislike. Non, non, ils mettent. Et j'ai reçu des messages très sympas, donc merci aux gens qui mettent des messages sympas, qui découvrent ma chaîne grâce à l'autre et qui dit que c'est un voleur, menteur, tricheur. C'est très bien. Merci à vous les gars. On se retrouve, nous, dans un mois. Prochaine émission, sans doute le 10 novembre, ça peut changer, mais c'est peu probable. Pour le savoir, restez connectés, tout simplement. Et puis, vous, évidemment, vous continuez à nous suivre sur gametrip.net, sur tous les réseaux sociaux. Alors, c'est très simple, hein, pour aller sur Facebook, le Facebook de GameTrip, vous tapez facebook.gametrip.net, twitter.gametrip.net, discord.gametrip.net, youtube.gametrip.net, et Spotify, vous allez juste sur Spotify. Et myspace.gametrip.net et Caramel. Et Skyblog aussi. Et Skyblog. Et, pour ceux qui ont Netscape, alors. Et la grosse nouveauté, c'est Spotify. On n'a pas encore mis tous les épisodes, mais ça arrive petit à petit. Vous pouvez nous écouter directement quand vous conduisez dans votre voiture connectée. Ah, tu as mis ceux des autres saisons sur Spotify. Ouais, y a déjà, on a commencé avec les 6 premiers de la première saison. Et sur Mirk, ouais. Alors hashtag, hashtag GameTrip. Sur IRC. Voilà. ICQ. ICQ. Oh mon dieu, ICQ, c'était. On se suit, hein, on se suit, on reste ensemble. Fais le top 2000. Vous êtes connectés. Les time codes sont juste en dessous dans la description si jamais vous nous avez écoutés en direct. Comme ça, vous pouvez retrouver les endroits. Tu voulais dire quelque chose, Yako ? Il a dit deux tables 2000, je voulais savoir à qui il l'avait volé. Cette oui, ouais, ça va. Ça va, mais, non, mais la vanne là, elle est marrante. Il ne faut, ouais, faut pas que je dirige les time codes vers mes parties, en fait. Il faut que je dirige les time codes vers là. Oui. Là, parce que sinon, ça, là, ça fait un peu. Les time codes sont là. En même temps, c'est craignos. On sera dans un petit bloc là, en haut, ici. Ici. Et pourquoi pas un gros bloc ? Bah parce qu'on est en 480p encore. Ah, une fois. D'accord. Bien, on se retrouve donc en novembre pour la prochaine. On a dépassé de 15 minutes, mais est-ce que c'est pas un peu ça aussi l'esprit de Game Trip, d'en avoir rien à foutre ? On se retrouve dès maintenant sur GameTrip.net avec plein de tests qui vont arriver très bientôt parce qu'on vient de recruter un testeur spécial Game Boy. Ça promet du lourd. Voilà, bisous tout le monde. Et donc, dans un mois, ciao YouTube. Salut les enfants. Salut maman. GameTrip.net, la référence des jeux vidéo oldies. Suivez-nous également sur GameTrip.net. www.gametrip.net.